Eh bien, n'hésitez pas, nous serons aujourd'hui avec le président de l'Ordre des géomètres experts, Cyril Vallant, et Sylvie Cadet de l'Agence départementale d'information sur le logement. Dès maintenant, vous posez toutes vos questions au 02 62 99 2000, des questions de bornage, de mitoyenneté, des soucis avec votre voisinage en général, les servitudes de passage, le bornage, l'écoulement des eaux pluviales, 99 2000, dès maintenant par SMS 70 2000. Isabelle Waro, les experts sur Réunion Première, 10h15, 11h45. She was born in November 1963, the day Aldous Huxley died. And her mama believed that every man could be free, so her mama got high. Cheryl Crow sur la première Run, Baby Run, il est 10h, voici le journal. À 8h, c'est Mathilde Munoz. Bonjour Mathilde. Bonjour. Des roquettes dans le ciel de Mossoul, les premiers bombardements sur la ville. L'Irak a lancé l'offensive pour reprendre ce fief de l'État islamique. Dans un instant, on vous explique pourquoi cette bataille est si importante. Une nouvelle mesure pour renforcer la sécurité routière, un fichier pour traquer les automobilistes qui roulent sans assurance. Les contrôles sont beaucoup plus simples, il suffira de scanner les plaques d'immatriculation. À la une également, la visite de François Hollande à Florange et le portrait de Gérard Lopez, l'homme qui veut racheter le club de football de Lille. France Info. On commence donc avec l'info de la nuit, c'est la bataille de Mossoul qui est lancée. Après des mois de préparation par des frappes de la coalition, des frappes autour de la ville pour permettre aux troupes au sol d'avancer, le Premier ministre irakien a annoncé peu après minuit le début de l'offensive. On en parle depuis longtemps de cette bataille. Élise Delève, expliquez-nous pourquoi elle est si importante. Alors cette bataille est importante parce que Mossoul, c'est la deuxième ville d'Irak. 1,5 million d'habitants. C'est le fief principal de Daesh, la plus grande ville qu'il n'ait jamais contrôlée. C'est là que les djihadistes se replient en cas de défaite. C'est une ville sunnite dans une région majoritairement kurde. Mossoul a toujours été une société frontière. Toutes les minorités du Moyen-Orient y sont présentes. Et puis Mossoul, symboliquement, c'est l'endroit où le califat a été proclamé par Abu Bakr el-Baghdadi en juillet 2014. Et cette bataille pourrait être la plus grande en Irak depuis l'invasion du pays par les troupes américaines en 2003. Et l'ONU s'inquiète déjà pour les civils. Oui, l'ONU s'est dit hier cette nuit extrêmement préoccupée. Les ONG ont construit quelques camps autour de Mossoul, mais sans eau ni électricité pour l'instant. Elles s'attendent à l'exode d'un million de personnes. Une crise humanitaire sans précédent. Des responsables à l'ONU affirment qu'on ne peut pas faire face à l'afflux de plus de 150 000 personnes à la fois. Hier, l'armée irakienne a largué des dizaines de milliers de tracts pour prévenir la population que l'offensive était imminente. Les habitants seront en première ligne lors des combats. L'ONU craint que Daesh n'utilise les personnes qui fuient Mossoul comme boucliers humains. L'État islamique a pris le contrôle de Mossoul depuis 2 ans et connaît donc parfaitement le terrain. Ils ont piégé la ville et creusé des tunnels et les civils pourraient en être les victimes. Élise Delève du Service Monde de France Info. Et on en reparle de Mossoul et cette bataille qui a commencé, ses conséquences sur tout ce qui se passera dans le futur. Ce sera tout à l'heure à 8h10 avec Michel Goyal, analyste défense. France Info, 8h03. Il y a en France plus de 750 000 automobilistes qui roulent sans assurance, sans cette petite vignette verte sur le pare-brise. La sécurité routière a décidé de les traquer. Comment ? Eh bien, en s'inspirant d'une méthode belge, David Doba. Oui, ils sont nombreux, ces conducteurs non assurés, à tenter de passer entre les mailles du filet. Des mailles qui vont se resserrer d'ici au 31 décembre 2018. Les policiers pourront en effet scanner en temps réel les plaques d'immatriculation et les comparer à un fichier. Il sera géré par l'Association pour la gestion des informations sur le risque de l'assurance et sera élaboré avec l'aide des différentes compagnies qui fourniront un listing actualisé de leurs clients. La méthode marche est appliquée depuis 1998 en Belgique et elle a permis de faire passer les accidents les mettant en cause de 10 000 à 7 000. Mais la lutte se fait sur plusieurs fronts. Un décret publié au journal officiel rend également obligatoire, et ce à compter du 1er décembre, la présentation d'un certificat d'assurance, mais aussi d'un permis de conduire valide pour récupérer une voiture qui a été mise en fourrière. Alors pour la sécurité routière, l'idée n'est pas de punir tous les contrevenants, mais plutôt de les inciter à se mettre en règle. Selon les estimations, entre 1 et 2% des automobilistes ne sont pas assurés, et pourtant des sanctions existent, hein, 3 750 euros d'amende, une suspension de 3 ans de permis, ou encore une confiscation du véhicule. Car c'est un fait, les conducteurs non assurés sont plus dangereux que la moyenne. Impliqués dans 10% des accidents graves, ils coûtent à la collectivité près de 100 millions d'euros par an. David Doba. PSA s'apprête à supprimer plus de 2000 postes en France, précisément 2133 l'an prochain, sans licenciement sec. C'est une information France Info. Et notre spécialiste automobile Isabelle Raymond a découvert ce projet dans des documents internes. Un comité central d'entreprise extraordinaire se tient cet après-midi au siège du groupe à Paris. La CGT appelle à manifester devant l'usine ArcelorMittal de Florange en Moselle. Un comité d'accueil pour François Hollande qui se rend sur place cet après-midi, 4 ans après la fermeture des hauts fourneaux. Aujourd'hui, l'acier est toujours transformé sur place, mais il n'y est plus produit. Le chef de l'État entend défendre son action. Il le dit d'ailleurs dans un entretien à plusieurs journaux locaux ce matin, comme le Républicain Lorrain. Il estime avoir tenu ses engagements. Aucun des 629 salariés de la filière chaude n'a été licencié. Louise Baudet. François Hollande, imperturbable. La fermeture des hauts fourneaux de Florange, symbole de son impuissance, pire de sa trahison. Pas du tout. Mes promesses ont été tenues, affirme crânement le président. Pas de licenciement, un site aujourd'hui florissant. Pourtant, sur place, beaucoup l'attendent avec du goudron et des plumes. D'autant qu'Arnaud Montebourg lui a bien savonné la planche jeudi dernier. Revenu à Florange, le cœur serré. L'ex-ministre du redressement productif accuse son ancien patron et adversaire potentiel à la primaire d'avoir brisé l'espoir en refusant à l'époque son projet de nationalisation. De fait, l'affaire Florange est pour une partie de la gauche annonciatrice du virage social-libéral de François Hollande, le début de la fin de ses promesses. En somme, bien loin de ce bilan que lui continue de vanter. Au-delà de la consternation provoquée par ses confidences à deux journalistes, des bouts de phrases sortis de leur contexte, dit-il, rien qui puisse le faire changer de calendrier. S'il doit être candidat, et il le peut encore, il ne le dira pas avant début décembre. Jean-Luc Mélenchon dans les starting blocks. Il a dévoilé hier les grandes lignes de son programme présidentiel. Il veut une nouvelle constitution, l'abrogation de la loi travail, un SMIC à 1300 euros net et la revalorisation des salaires des fonctionnaires. Jean-Luc Mélenchon veut aussi que le vote devienne obligatoire avec en contrepartie la reconnaissance du vote blanc. De nombreux centres des impôts risquent de rester fermés aujourd'hui en raison d'une journée d'action des fonctionnaires. La CGT, FO et Solidaires dénoncent la baisse des effectifs dans le secteur des finances publiques. Grosse crise à ITélé. Les salariés se réunissent en Assemblée Générale dans une heure pour décider d'une éventuelle grève. La rédaction s'oppose à l'arrivée de Jean-Marc Morandini qui doit rejoindre la chaîne cette semaine pour animer une nouvelle émission. Une motion de défiance a été votée à 92%. Jean-Marc Morandini a été mis en examen pour corruption de mineurs aggravés, mais la direction le soutient et estime qu'il faut respecter la présomption d'innocence. Et les mécontents sont invités à prendre la porte via une clause de conscience. L'Olympique de Marseille a battu Metz 1-0 hier en clôture de la 9e journée de Ligue 1. C'est du foot, bien sûr. Une victoire sans briller et dans un stade Vélodrome dégarni pour le dernier match de l'ère Louis Dreyfus. C'est la fin de 20 ans d'histoire. Le club passe aujourd'hui officiellement aux mains de l'homme d'affaires américain Frank McCourt. Le club de Lille s'apprête aussi à changer de propriétaire. Michel Seydoux, à la tête du LOSC depuis 14 ans, est officiellement entré en négociations exclusives avec Gérard Lopez, un homme d'affaires luxembourgeois qui a fait fortune en investissant dans le logiciel Skype. Et cet homme a deux passions, Guillaume Batin, le foot et la Formule 1. Alors Gérard Lopez fait son son entrée d'abord dans le monde du foot en 2007 en rachetant le modeste club de sa ville natale, Esch-sur-Alzette au Luxembourg. En 2013, il fait partie de la liste des candidats au rachat du RC Lens. L'an dernier, il prend la main du club de Lugo en seconde division espagnole sur la terre de ses parents. Mais son entrée sur la scène médiatique, il l'a fait vraiment l'été dernier lorsqu'il est annoncé comme repreneur de l'Olympique de Marseille. Il propose de payer sur 10 ans grâce aux futures recettes du club, un montage qui ne passe pas et qui pousse même les supporters à le qualifier de plaisantin. L'autre passion de Gérard Lopez, c'est donc la Formule 1. En 2009, il rachète une écurie de F1, l'écurie Lotus. Il parvient à convaincre de gros sponsors américains de rejoindre l'aventure. Il fait signer des pilotes de renom, le français Romain Grosjean, le finlandais Kimi Raikkonen, mais Gérard Lopez ne parvient pas à trouver l'équilibre financier. Les pilotes ne sont plus payés. Lotus est revendu à Renault avec ses dettes pour l'euro symbolique. Et aujourd'hui, Lille est 18e du classement avec 6 défaites en 9 matchs. L'Europe prépare un atterrissage sur Mars. Un appareil devrait se poser sur la planète rouge mercredi après un voyage de 7 mois dans l'espace. Cet appareil vient tout juste de commencer sa descente. Le but de cette mission est de rechercher d'éventuelles traces de vie. Jusqu'ici, seuls les Américains ont réussi à envoyer un engin sillonner Mars. L'Europe a déjà essayé une fois il y a 13 ans, mais le robot n'avait pas fonctionné. Merci beaucoup Mathilde Munoz pour les infos, les 8h08. 10h08 sur la première. La météo avec Sirius Réunion. Chauffe-eau solaire, nouvelle génération. Il n'y a pas beaucoup de changements côté ciel par rapport à hier. Une belle journée qui vous attend, les cercles volcans, les plaines, le bord de mer. Eh bien, tout ça profite d'une belle journée, d'un beau soleil généreux. Et ce, depuis ce matin, bon, il y a bien quelques petits nuages qui apparaissent sur le relief, mais rien de conséquent. Cet après-midi, les nuages vont encore rester discrets sur l'ensemble de l'île et le beau temps se maintenir au-dessus de 1500 mètres. C'est du grand soleil. Le vent de nord-est, il est assez faible, sauf de la grande chaloupe au cap Laoussé. Ainsi que sur la plaine des Cafres, les rafales peuvent atteindre 40 km/h. La mer, quant à elle, est peu agitée. La météo avec Sirius Réunion. Chauffe-eau solaire, nouvelle génération. À Mitterfist, hier, votre quintet se courait à Chantilly. Pour gagner, eh bien, il fallait jouer le 15, le 4, le 16, le 3 et le 7. 15, 4, 16, 3 et 7. Cet après-midi, c'est sur l'hippodrome d'Anguin que va se courir le prix des Gobelins. Il y aura 16 partants, 2150 mètres à parcourir. Et l'heure de la course, le départ, 15h47, 1 million dans la tirelire. Voici les pronostics du fouineur du GIR, partenaire Réunion Première, qui vous conseille le 8, le 3, le 11, le 4, le 2, le 13, le 15 et le 6. 8, 3, 11, 4, 2, 13, 15 et 6. Pour votre quintet, prix des Gobelins cet après-midi sur l'hippodrome d'Anguin. 16 partants, 2150 mètres à parcourir, 1 million d'euros dans la tirelire. Et n'oubliez pas, pour que le jeu reste un plaisir, jouons responsable. Très belle semaine à vous, merci d'être avec nous. C'est votre émission Les Experts jusqu'à 11h30. Et à moins d'habiter loin, très loin, ou d'avoir un très très très très grand terrain, nous avons tous des voisins. Quand tout va bien, c'est absolument génial. On se rend service, on se dit bonjour, mais quand un grain de sable vient tout mailler, eh ben ça peut vite devenir les galères et les relations entre gens civilisés vite s'envenimer. Eh bien, on va en parler ce matin, les relations de voisinage, des problèmes à cause d'un mur, d'une clôture mitoyenne, des problèmes de servitude, de passage, de bornage. Qui a tort? Qui a raison? 02 62 99 2000 pour vous aider à y voir plus clair. Deux invités, deux experts, Sylvie Cadet, l'Agence départementale d'information sur le logement, la DIL, et Cyril Vélan, qui est président de l'Ordre des géomètres experts. Vos questions au 02 62 99 2000. 10h midi, les experts avec Isabelle Waraud sur Réunion Première. N'hésitez pas à poser toutes vos questions gratuitement dans Les Experts 99 2000 par SMS 70 2000. On se donne rendez-vous juste après. Tiana, t'as qu'à danser sur la première. À tout de suite. Ne m'y connais pas si mon vision est différente. Ma nana comme la pression que le monde les méchants. M'y connais pas, s'il faut rire ou il faut fuir. Tout le monde croise nana, toujours elle a fait pour dire. Au bonheur des rances, mais où te malheur y avance à zote. Chaque fois coulé la saut talon, il s'en va et c'est comme ça. Au bonheur des rances, mais où te malheur y avance à zote. Chaque mot où sort, voulait toujours tort. Aïe aïe aïe aïe, à soi, mais ça a dansé. Mis à mettre tout ça de côté. Avec un Sega, ça les guémaloya. Et arrête la vie, la fête. Mon os, un osaro. Un bar, oui, là, là. connais pas si ma vision est différente. Moi n'en a comme l'impression que le monde les méchant. M'y connais pas s'il faut en rire ou il faut fuir. Tout le monde nous croise d'un a toujours un affaire pour dire. Pour que s'occuper de la vie des gens d'à côté. Tu restes, tu délaisses, tu dévends, tu racontes, j'en ai assez. Pourquoi s'occuper de la vie des gens d'à côté. Nul n'est parfait, alors on se tait. Aïe, aïe, aïe, à ça, mis ça à danser. Mis sa main, tout ça de côté. Allons casser, gars, salut, qui malouya. Et arrête, là, qui l'a fait. Mama, ça nous a ro. Hada, oui, là, là, ro. Il fallait le one drum, t'es un tangouya. Il est wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. À danser sur la première, il est 10h15. Ça y est, nos experts sont là. Si vous avez des questions à poser, vous avez des soucis, des relations de voisinage, vous voulez en savoir plus sur le bornage, mieux comprendre comment ça se passe quand on a un mur qui est mitoyen, 02 62 99 2000. Sylvie Cadet de l'ADI, elle est avec nous. Bonjour Sylvie. Bonjour Isabelle. Ça va bien ? Ça va. Bon, ça se voit, vous avez un beau sourire. À vos côtés, Cyril Vélor, président de l'Ordre des géomètres experts. Bonjour. Bonjour. Ça va bien ? Ça va très bien aussi. Le bornage du studio, ça se passe bien ? C'est bon ? On va le finaliser, mais ça se fait bien. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Combien ça va nous coûter, cette histoire ? Pas beaucoup ? Ok. Non, pas beaucoup. Allez, vos questions, 02 62 99 2000. Aïe, aïe, aïe, Sylvie Cadeillet, ça y gratte un petit monnet sur prix le bornage. D'amis. Ah, non, même pas. J'ai été prix d'amis pour vous. Ah, ça, c'est chouette, ça. Mais peut-être que chez vous, bah, c'est beaucoup moins drôle. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Eh bien, si vous voulez en savoir plus, qui a tort, qui a raison, comment ça se passe, les droits, les devoirs en tant que propriétaire, des soucis avec vos voisins concernant un mur, une clôture, 02 62 99 2000. À tout de suite. 16h, 18h, le bon tempo avec David. Ils font la Réunion. Ils ont rendez-vous dans le bon tempo sur Réunion Première. Acteurs du monde culturel. Les artistes de la Réunion à l'honneur. Sportifs, associations, jeunes entrepreneurs, réunionnais du monde. L'idée, c'est de pouvoir faire se rencontrer. Le rendez-vous détente de votre après-midi. Le bon tempo avec David, du lundi au vendredi, de 16h à 18h sur Réunion Première. Les experts sur la première, ça se passe au 02 62 99 2000 jusqu'à 11h30. Profitez de la présence de Sylvie Cadet, de l'Agence départementale d'information sur le logement, et de Cyril Vélan, qui est président de l'Ordre des géomètres experts. Vous avez une question à poser, vous avez un doute, vous avez un petit souci avant que ça ne devienne un gros problème. Eh bien, on va commencer à essayer de dépatouiller un petit peu tout ça. Ça se passe au 02 62 99 2000. Sylvie, quand on parle de soucis avec les voisinages, est-ce qu'on vous appelle souvent à la DIL pour justement des questions, des problèmes ? On vous appelle quand il y a déjà un problème qui est en train de pourrir, ou est-ce qu'on vous appelle quand, bon, on ne sait pas trop, on voudrait pas que ça se gâte, donc on préfère en connaître d'abord davantage sur nos droits ? Comment ça se passe ? Dans les deux cas. Mais d'une façon générale, effectivement, quand on prend contact avec nous, la situation, c'est déjà envenimé. Il y a déjà effectivement un souci. peut arriver que deux personnes, donc deux propriétaires, souhaitent trouver une solution amiable et viennent voir. Alors, ensemble, on ne peut pas les recevoir, puisqu'en fait, nous ne sommes pas des conciliateurs. Oui, il n'y a pas de médiation pour... Non. Ça peut arriver. Ça peut arriver, mais alors là, il faut vraiment qu'ils soient tous les deux vraiment d'accord. Mm-hmm. Autrement, ce sont les maisons de justice et de droit qui peuvent traiter ce genre de problème. Alors, ça peut arriver effectivement que les deux personnes viennent nous voir pour trouver une solution amiable. Mm-hmm. D'une façon générale, il y a déjà un souci. Mm-hmm. Et ils viennent effectivement nous voir pour nous demander comment faire sur le plan juridique. D'accord. Par rapport à ce problème qui est né. De votre côté, Cyril, comment ça se passe ? Est-ce que souvent on fait appel à vous dans des contentieux ou beaucoup moins ? Et généralement, quand il y a souci, c'est quel genre de problème à La Réunion ? Alors, on fait appel au géomètre expert dans les deux cas, comme disait ma voisine. Alors, on préfère effectivement attaquer les problèmes fonciers avant qu'il y ait des soucis familiaux, des soucis de voisinage qui soient créés. C'est quand même plus simple pour régler ces problèmes et mettre en place... les bonnes choses. Toutefois, il arrive qu'effectivement, on intervienne dans des situations un peu litigieuses, conflictuelles. Je rappelle que le géomètre expert qui travaille pas sous les directives d'un juge, pas dans le cadre de la judiciaire, ne travaille donc que dans le cadre d'une procédure amiable. On n'est pas un juge, on n'est pas juge, donc on ne peut pas substituer au juge, on ne peut pas trancher ou prendre position si vraiment il y a un vrai conflit, il y a mésentente, si vraiment il y a carence sur ce qu'on est censé pouvoir faire. Donc on n'est pas juge, on ne travaille que dans le cadre amiable. Ceci dit, on arrive très souvent dans le cadre de nos procédures amiables à résoudre des soucis, des problèmes de voisinage, des problèmes familiaux, des problèmes de succession. Ah oui, parce que souvent il y en dans un conflit, il y a un qui a raison, l'autre qui a tort. Et souvent, il faut quelqu'un pour dire voilà, c'est comme ça que ça se passe. Monsieur, vous avez un peu tort. Madame, vous n'avez pas tout à fait raison. Le tort exclusif, 100%, oui. Moi, j'y crois pas. C'est vrai. C'est souvent plus compliqué que ça. Voilà, c'est plus compliqué que ça. Moi, j'ai une philosophie dans la vie, pas seulement professionnelle, mais la vie en général, c'est que le tort exclusif, 100%, n'existe pas. On n'a jamais tort à 100% d'un côté et 0% de l'autre. Je suis toujours plus convaincu qu'on est près des 50-50 que du 100 et 0. Voilà. Allez, 02 62 99 2000, on va aller à la plaine des Cafres. Isabelle est avec nous. Des questions sur un droit de passage. Bonjour Isabelle. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Nous vous écoutons, Isabelle. Alors, on est deux terrains en friche et moi, de mon côté, je mets ma parcelle avec deux maisons mitoyennetées et j'aimerais savoir si vers qui me tourner pour avoir un droit de passage derrière, en fait, parce que c'est un terrain qui donne sur une autre rue, en fait, qui est derrière chez moi. Comprenez. Alors, c'est un terrain Alors, que vous avez, Sylvie. C'est un terrain que vous avez acheté ainsi. Vous en avez hérité. On en a hérité. D'accord. Et il n'y avait pas de passage. Non, mais en fait, moi, j'ai un passage devant. Mais en fait, pour l'accessibilité, en fait, j'aimerais savoir vers qui me tourner. Si, par exemple, je peux demander à mon voisin qui est derrière. D'avoir un droit de passage pour me donner sur une autre rue de l'autre côté, en fait. Oui, mais... Parce que lui, il a un chemin, il a un demi-chemin et il a encore un morceau de terrain en friche. D'accord. En fait, vous bénéficiez, vous n'êtes pas enclavé, donc vous bénéficiez déjà d'un passage et vous souhaitez donc en avoir un autre qui vous permettrait d'avoir accès à une autre rue. Voilà. Voilà. Alors, il n'y a pas d'obligation pour votre voisin. De vous permettre en fait de passer sur ce terrain puisque vous n'êtes pas enclavé. Voilà. Maintenant, si conventionnellement il accepte, à l'amiable on peut faire ce qu'on veut. On peut effectivement trouver une solution amiable. Mais quand vous donc dites, il faut lui demander. Voilà, c'est ça. Il faut mettre ça par écrit. Il vaut mieux. Faire comment Il vaut mieux en fait si cette personne souhaite bénéficier donc de deux accès en fait du coup pour ces deux parcelles. Je pense qu'il y en a une. C'est pour la deuxième parcelle que vous souhaitez avoir un accès différent. Oui. D'accord, voilà. Alors, le terrain un peu mal fait, en fait. Mais t'entends. Ben oui. Voilà. Ça aurait été plus pratique d'avoir un accès avec celui. En fait, le terrain derrière, c'est en friche. Ouais. Oui, alors. Une friche, c'est pas... Donc, il faut l'emmener... On se résume. Il n'est pas obligé de vous fournir en fait ce passage autre puisque vous en avez déjà un et que vous n'êtes pas enclavé. Oui. Le mieux, je pense que c'est d'aller le voir. Voilà, ne pas lui envoyer un recommandé parce que oui, déjà, il n'a pas d'obligation en fait. Je pense voilà, il va mal le prendre effectivement. Il va mal recevoir en fait ce courrier recommandé. Il vaut mieux que vous alliez le voir, vous lui en parliez. Et si effectivement donc il ne s'y oppose pas puisqu'il y a déjà un passage existant et ça ne le gêne pas, vous pourrez à ce moment-là voir un notaire et faire établir aussi cette autre en fait servitude de passage. D'accord. Ok, par Isabelle. Par le notaire. D'accord. Ok. Ok. Allez, bon courage. Merci. Merci beaucoup. 02 62 99 2000. À Saint-Pierre, Julien est avec nous. Bonjour, Julien. Bonjour, madame. Ah, vous aussi, on a un problème avec ces histoires de droit de passage, là. Non, non, pas de droit de passage. Ah, c'est quoi? Pas de passage du tout. Non, aïe. Du tout. Au moins, les clés, hein, la pointe. La pointe. Le sentier, il fait à peu près, moi, allez, bon, 1 mètre. Hein, ouais. C'est-à-dire que nous, on a une maison de louer, on ne peut pas louer au prix voulu, quoi. Oui. Mais vous décidez de savoir si elle peut répondre à moi. Peut-être qu'il ne me rentre pas de la question exacte. Essaye, Julien, Nous avons le droit, au niveau des taxes foncières, d'avoir un dégrèvement pour ça. Ah. Parce que nous, pas ici, par exemple, midi, il faut 200 mètres carrés de terrain, même pas, et il y a des logements dessus le petit terrain. À des petits logements, des petits logements 80 mètres carrés à peu près, Il paye 3000 euros pour le dé. Alors qu'il ne gagne pas la pointe de droit de passage. La pointe de chemin n'a juste un sentier. Mmh. Ça va à pied? Comment il fait? À pied, ben, la pointe de l'auto, il rentre. D'accord. Alors, l'auto, il rentre, la pointe poubelle, la pointe pompier, rien, s'il arrive à la fête, il est enclavé, quoi. Ah ouais. Et le taxon aussi, il est pareil, même, les officiers. Ouais. La taxe n'est pas enclavée, par contre, hein. Ben, c'est ça, vous devez savoir s'ils ont un rôle, si quand le poste se met comme ça, si les taxes foncières restent pareilles, ou bien ils ont le droit d'être dégrévés. Sylvie, selon vous, est-ce qu'on peut avoir une petite ristourne, un petit rabais parce qu'on n'a pas de chemin? Alors, comme ça, pour point, non, il n'y a pas de possibilité de dégrèvement sous cette forme-là, parce que l'accès n'est pas un accès suffisamment large. Bon, après, il faudrait se pencher davantage sur cette absence, en fait, de passage. Là, il faudrait que vous preniez un rendez-vous pour qu'on puisse voir quelle est votre situation. Mais par contre, si vous parliez d'un locataire, par contre, s'il y a une vacance, en fait, du logement, c'est-à-dire qu'il n'y a personne, là, effectivement, on pourrait voir par rapport à ce dégrèvement éventuel en fonction de la durée de la vacance, puisque monsieur disait tout à l'heure que vous n'aviez pas de locataire facilement. Ben oui, il n'a pas de voiture. Ben oui, c'est ça. Donc ce serait plutôt à ce niveau-là, mais pas par rapport au fait, par rapport à l'inexistence en fait du chemin. Je n'ai pas vu de dégrèvement possible dans ce cas-là. D'accord. Ah bon. Ben désolé, Julien. Ben au moins, on a une réponse à votre question, hein. Donc voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, Julien. Au revoir. 02 62 99 2000. Si vous avez des questions à poser, des relations de voisinage, des questions de servitude de passage, de bornage également, et bien profitez de la présence de Sylvie Cadet de l'Agence départementale d'information sur le logement, la DIL, et de Cyril Vélan, qui est président de l'Ordre des géomètres experts. Sylvie, qu'est-ce que c'est exactement un terrain qui est enclavé? Alors, cela veut clairement, dire... voilà. Cela veut dire qu'il n'y a pas d'issue ou en fait que l'issue est insuffisante pour atteindre en fait la voie publique. Donc la personne ne peut pas, et d'ailleurs ça peut être très dangereux par rapport par exemple au véhicule de secours. Voilà, s'il arrive un affaire. Puisque si jamais il y a un incendie, on ne peut pas atteindre la parcelle en fait facilement. Donc c'est ça, c'est-à-dire que... C'est pourquoi, effectivement, on établit des servitudes de passage pour que chacun puisse accéder à sa parcelle facilement. Et surtout pour que les véhicules de secours puissent aussi l'atteindre. D'accord. Voilà. Alors, la création de la servitude de passage, elle est instituée, elle est inscrite, en fait, dans l'acte de propriété. Mais malheureusement, quand elle n'est pas inscrite, cela pose énormément de soucis entre voisins. C'est-à-dire que le principe, c'est qu'on doit toujours pouvoir passer, oui, clairement. Contre indemnité éventuelle, c'est ce que prévoit en fait le Code civil. Oui. Et on doit pouvoir effectivement accéder facilement à la voie publique. Mais si je dois avoir une servitude de passage, parce que sur mon terrain, moi, j'ai pas de passage, mais que mon voisin veut pas, c'est lui qui est en tort, puisque je dois pouvoir passer, moi. Ou est-ce que c'est un petit peu plus compliqué que ça? Pas tout à fait. C'est un peu plus compliqué que ça. Bon, il faut voir l'origine de la parcelle, si effectivement la parcelle que vous occupez était avant issue d'une plus grande parcelle, qu'elle a été divisée, il aurait dû être prévu un accès aux différentes parcelles qui ont été morcelées. D'accord. Pour chacune de ces parcelles. C'est vrai que des fois, ce genre de choses est oublié. Oui. Et alors après, on se retourne chez le voisin pour passer chez lui. C'est pas très logique. D'accord. C'est-à-dire que des fois, les choses sont faites souvent un peu à l'envers, ce qui fait qu'après, en bout de chaîne, quand on prend le problème pour essayer de trouver une solution, voilà, c'est là que ça se complique, quoi. D'ailleurs. Et d'ailleurs, je suis un peu surpris que l'auditeur précédent ait pu avoir des permis de construire, sachant qu'il n'avait pas d'accès officiel réel à sa propriété. Mmh. Desservir deux logements sans accès véhicule, ça me paraît compliqué. C'est bizarre. Donc c'est bizarre. Mmh. Donc en tout cas, il faut vraiment s'attacher quand on morcelle un terrain. À prendre en compte, dans un premier temps, l'accès aux parcelles qu'on va créer, de façon à ce que chacun puisse jouir normalement de sa propriété, et pas seulement avec un piéton en vélo avec une brouette. J'ai un morceau de la terre, mais je peux pas y aller, quoi. Voilà, il faut pouvoir rentrer avec un véhicule normal de loisirs, comme tout le monde a, mais aussi des véhicules de sécurité. D'accord. Plus gros, donc il faut... Aussi les camions de pompiers, les camions pour les ordures ménagères, etc. D'accord. Donc tout ça doit être pris en compte au préalable à la division. Autant vous dire qu'il y a certainement encore plein de questions qui se posent. Ça se passe au 02 62 99 2000. Pour profiter des conseils gratuits de Sylvie Cadet, de Cyril Vélan, 99 2000. À tout de suite. Première, les experts jusqu'à 11h30, 02 62 99 2000. 10h midi, les experts avec Isabelle Waraud sur Réunion Première. Sylvie Cadet de l'Agence départementale d'information sur le logement, Cyril Vélan, président de l'Ordre des géomètres experts, qui répondent gratuitement à toutes vos questions. On va aller faire un petit tour à Saint-Louis. Jacques, il a une question à propos de ses voisins. Bonjour Jacques. Bonjour, bonjour Isabelle, bonjour tout le monde sur le plateau. Bonjour Jacques. Quoi l'arrivée Jacques? Ben voilà, j'appelle ma belle-mère. Oui. Ils ont des voisins qui ont construit deux maisons. D'accord. Et ils veulent faire des travaux d'assainissement. Oui. Mais ma belle-mère est enclavée. D'accord. Il y a seulement une petite allée qu'on va à pied pour aller chez elle. Mmh. Et ma belle-mère s'occupe de sa mère qui a 102 ans. D'accord. Donc, on a envoyé un papier aux voisins pour leur dire que la dame de 102 ans ne peut pas supporter les bruits. Que les travaux ne pourront pas s'ouvrir parce qu'il faut que l'étranger passe devant sa maison à elle. D'accord. D'accord? Oui. Mais ils ne se sont pas tenus compte de ça et ils disent qu'ils m'ont fait les travaux quand même. Est-ce qu'ils ont le droit? Alors, Sylvie. Alors là, il s'agit de travaux qui sont temporaires. Il ne s'agit pas en fait de travaux qui vont durer en fait je sais pas un mois ou deux mois. Mmh. C'est difficile en fait d'établir qu'il s'agit d'un trouble anormal du voisinage dans ce cas-là, puisqu'on ne peut pas empêcher en fait au voisin de faire des travaux pour en fait le final qui est l'assainissement. Donc là, ça me paraît difficile. Il faudra trouver effectivement une solution amiable, mais empêcher le voisin de faire des travaux, ça me paraît impossible. Ah oui, mais bon, comme ils sont enclavés, il y a seulement une petite ruelle pour aller chez eux. Oui, ouais. C'est proche, vous voulez dire que c'est proche de la maison. Voilà, et donc, c'est une maison en bois sous tôle, et oui. S'ils vont faire les travaux avec des tas de poubelles, j'ai peur pour la maison que... Ah, ça c'est autre chose. Donc tout à l'heure, c'était le bruit. Mmh. Maintenant, si effectivement, il peut y avoir un danger pour la maison, il faudra que vous preniez contact avec ce voisin, pour établir ce qu'on appelle une convention, au cas où, effectivement, la proximité en fait, de la maison pourrait en subir des conséquences lorsque les travaux seront effectués. Donc là, c'est autre chose. Hein. Là, oui. Effectivement, c'est un préjudice qui pourrait être causé par rapport à des travaux effectués mais qui sont trop proches. D'accord. Mais par rapport au bruit, donc je vous ai répondu que là c'est difficile en fait de dire que voilà, on ne veut pas des travaux. Par contre, si les travaux vont en quelque sorte provoquer un problème concernant la solidité du bâtiment, oui. Alors là c'est autre chose. Donc là, il faudrait effectivement d'abord envoyer d'abord un courrier recommandé et ensuite passer par une maison de justice et de droit pour établir soit un procès-verbal de conciliation ou alors si aucune solution amiable ne peut être engagée, alors là, il faudrait effectivement très vite aller voir un avocat pour établir une convention parce que si jamais il y a donc des dommages qui sont subis sur le bâtiment, que vous puissiez en fait demander... des dommages-intérêts, et puis surtout que les travaux soient refaits. J'ai oublié de vous dire, oui. C'est que quand ils vont fouiller les tranchées là, ils vont passer devant la maison, mais c'est sur le terrain de ma belle-mère. Ah bon, il fait travaux sur son terrain, il ne demande pas elle donc. Ben, elle demande à elle, elle a dit qu'elle ne veut pas qu'il fait des tranchées là. Mais il dit non, ils vont faire les tranchées quand même. Oh bon. Alors vous nous ramènerez un plan, parce qu'en fait là, on ne peut pas faire des travaux sans l'autorisation de votre propriétaire, de votre grand-mère, vos parents, voilà, qui sont propriétaires en fait du terrain. Donc il faut voir où passent exactement ces tranchées. Hein. Vous pourriez à ce moment-là prendre contact avec nous, vous prenez rendez-vous et vous nous faites un petit schéma. Pour qu'on voit bien, en fait, par rapport aux limites du terrain de vos parents, à quel endroit les tranchées vont être faites. Ok, Jacques. D'accord, fais ça vitement, hein. Ouais, on va essayer de faire ça, alors. Reste bien à l'écoute, nous va donner le numéro de téléphone à la fin de l'émission. Comme ça, on va connaître tout ça, il faut téléphoner. Il est bon? Ok. C'est merci beaucoup, Jacques. Allez, bon courage, embrasse mamie. Allez, au revoir. Bisous. Ouais. Allez, bye bye. Mais Sylvie, on peut pas faire des travaux sur votre terrain, mais imaginez que ce soit des travaux, faut passer de l'eau, faut passer l'électricité, oui, c'est des choses entre guillemets, elle est importante quand même. Il faut quand même demander l'autorisation. Alors là, il faudra. On peut dire non. Il faudrait voir parce que il y a peut-être une insuffisance en fait de passage pour ces travaux-là. Alors c'est peut-être ça. C'est pour ça que je lui demandais de venir nous voir avec un plan pour qu'on soit sûr en fait de la réponse qu'on va lui donner en fonction. Bon après c'est vrai qu'on ne peut pas passer chez autrui sans son autorisation de toute façon. Après si jamais il y a une servitude de passage qui a été conventionnée avec le propriétaire donc devant la mamie en question. Ce qu'il faut savoir, c'est que la servitude de passage emporte aussi ce qu'on appelle les servitudes de réseau. C'est-à-dire. Donc c'est un accessoire, la servitude de passage. Le passage permet de la servitude de passage permet de circuler, d'accéder à sa propriété. D'accord. Mais ce qui est un accessoire à cette servitude, donc qui est lié, qui est obligatoire, c'est aussi par exemple l'enfouissement des réseaux en souterrain. Donc, si on acquiert la servitude de passage, on acquiert aussi le droit d'enterrer et d'enfouir des réseaux en souterrain. D'accord. Alors, peut-être qu'effectivement il y avait un problème de passage et que ça a été conventionné et que donc, de ce fait, les voisins auront le droit de fouiller, comme dit monsieur, et de passer des réseaux en souterrain. Bon, tout ça, c'est à vérifier. Ouais, ça, il faut voir vraiment pour pouvoir juger, hein, parce que voilà. Là, comme ça, au téléphone, c'est un petit peu compliqué, mais on comprend bien. Où est-ce que les travaux s'effectuent exactement? Bonjour Annie. Bonjour tout le monde sur le plateau. Annie de Saint-Louis, quoi l'arrivée Annie? Bon ben voilà, nous on a un souci depuis 2004. Allez, ben vieux souci ça alors hein? Oui, on a acheté un terrain. D'accord. C'est un terrain, bon, en friche. Oui. Mais il y avait un voisin qui a construit des maisons. Ok. Il a laissé deux ouvertures de fenêtres. Ouais. C'est avec des narcos. Oui. Et depuis, on est allé deux fois en maison de justice pour qu'il puisse fermer. Il ne veut rien entendre. Et il a quitté la Réunion. Il y a des locataires dedans. Et est-ce qu'on peut, nous, fermer ces fenêtres-là? Les ouvertures de fenêtres donnent directement sur votre propriété à vous? La maison a été construite en limite de propriété? Oui. Bon, donc ces ouvertures sont illégales? Alors c'est quoi le souci, juste ces pour... Ces vues sont illégales. On ne peut pas bâtir en limite de propriété, en mitoyenneté, comme on dit ici, et faire des vues directes, ou même obliques, chez les voisins. C'est pas possible. C'est interdit. Voilà, comme ça, moi, c'est clair. Oui. L'habitat étant ce qu'il est à La Réunion, très dense, quand on divise dans du bâti existant, ça arrive qu'on fasse des limites de division très proches des constructions. Dans ce cas-là, on crée des servitudes pour pallier ces vues. D'accord. Là, en l'occurrence, c'est des constructions visiblement assez récentes. En limite de propriété... si ces ouvertures sont vraiment des vues et pas seulement des puits de jour, faut distinguer les choses, hein, distinguer ce qui est une ouverture qui permet juste de capter la lumière. Auquel cas on voit rien, donc voilà, du verre opaque qui permet juste de laisser passer la lumière. Là, c'est tout à fait possible. Par contre, si c'est une ouverture, alors avec des nacos où on peut voir, c'est illégal. Puis t'es obligé de faire une serre à la place. Une serre? Oui, j'ai mis une serre, moi je ne les vois pas. Bah oui, et puis eux, ils voient vos fleurs, c'est mieux. Hein. Faut trouver des solutions hein, quand on n'en a pas, visiblement. Moi, je vous conseille d'aller effectivement voir une maison de justice, tenter une médiation. Deux fois. Le propriétaire ne veut rien entendre. Mais quoi lui dit? Lui comprend pas que c'est pas légal? Non, ben lui, il dit que bon, ben, c'est comme ça. Il a quitté la Réunion, il n'y a que ses locataires qui sont dedans. Bon, alors Sylvie. Et par rapport en fait au sol, parce qu'on est bien en rez-de-chaussée, hein, oui. Puisque vous parliez d'une serre qui a été installée juste à côté. Alors la hauteur, parce que effectivement, donc les vues ne sont pas envisageables, mais les jours, ce qu'on appelle les jours de souffrance ou les jours de tolérance, doivent être donc à verre dormant par exemple, doivent être donc installés dans le mur. Pour vous, c'est un mur non mitoyen. Doivent être installés à 2,60 m de hauteur lorsqu'on est en rez-de-chaussée. Donc, vous voyez, ça veut dire que, de toute façon, ils ne respectent pas la réglementation. Mais qui est prévu par le code civil. Oui. Je vois dans leur maison. Non, non, ben, c'est pas normal. Et eux, ils voient dans la vôtre. Ils voient dans la cour, parce que ma maison est éloignée quand même. Oui. Là, c'est pas légal. Bon, après, quelle procédure faire un constat d'huissier, je sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'implantation de ces fenêtres donnant directement sur votre propriété n'est pas légale. D'accord. Est-ce que vos voisins, eux, là, ceux qui voient dans votre cour, là, eux, ils vous ont aussi déjà fait la remarque, ça leur pose un problème à eux ou pas? Non, seulement quand j'ai mis mes aspergeurs, mes petits arroseurs pour arroser, ils me disent que Laurent est chez eux. Ben, c'est pas mon problème, je suis chez moi. Bon, ouais, c'est compliqué, hein, votre affaire là. Je lui dis, ferme vos fenêtres, l'eau va pas entrer. Oui, oui, oui. Oui, tout à fait. Il faudrait peut-être effectivement leur faire, leur donner les textes correspondants. On pourra vous les communiquer. De façon à ce que vous puissiez juste écrire pour l'instant au locataire, hein, et lui expliquer que le bâtiment et justement ces ouvertures-là ne sont pas des ouvertures qui peuvent être qui peuvent même pas être tolérées, qui ne sont pas effectivement. Sylvie, eux, ce ne sont que des locataires, ils y sont pour rien s'ils la mettent à fenêtre comme ça. Juste donner l'information pour qu'ils redonnent l'information au propriétaire. Maintenant, si vous avez les coordonnées du propriétaire, vous pouvez très bien lui écrire, hein, avec les textes de loi qu'on pourra vous communiquer pour lui demander carrément, en fait, s'il le souhaite, d'établir uniquement ce qu'on appelle les jours de souffrance, et de fermer, en fait, de condamner donc les ouvertures, les NACO en question. D'accord. Ok, Annie. Je vous remercie. Merci à vous, bon courage. Merci. Et n'hésitez pas à nous tenir informés. D'accord. Je vais prendre le numéro de téléphone, je viendrai au courant après. Eh bien, très bien. Allez, au revoir. Allez, bisous Annie, bye bye. 10h midi, les experts avec Isabelle Waron sur Réunion Première. Sylvie, là, on le voit avec le cas d'Annie, hein, donc là, l'ouverture, il donne direct sur sa cour. Mmh. Souvent, les gens sont informés, on leur a dit deux fois déjà à la maison de justice qu'ils n'avaient pas droit. C'est quoi? Parce que les travaux vont incomber au propriétaire. Et c'est souvent, c'est quoi la raison? Pourquoi il ne veut pas juste, allez, bon, ben, bouge ça, finis avec ça, et puis on n'en parle plus. C'est quoi le problème? Parce qu'il faut que ce soit du mur plein. Tout à fait, ouais. Et qu'à la limite... Parlez bien dans votre micro, Sylvie. Qu'en fait... Oui. J'ai pas compris qu'on était à l'antenne. Mais si, on est de nouveau à l'antenne. Nous sommes dans les studios de Réunion Première. Bonjour Sylvie. Bonjour. C'est qu'on était à la poste. Bon, oui, donc en fait, oui, le propriétaire le sait bien, mais ça va lui coûter cher. Donc nécessairement, à partir du moment où ça va lui coûter cher, il fait la tête cochon. Voilà, il ne veut pas effectivement engager donc des travaux. D'autant plus que, comme je le disais tout à l'heure, on est en rez-de-chaussée, donc ça voudrait dire que s'il veut prévoir donc un système en fait à ver dormant, donc ce qu'on appelle le jour, nécessairement, donc il faudra qu'il aille un peu plus haut. D'accord. Donc il faudra qu'il prévoie d'autres travaux pour en fait le ver dormant. Alors nécessairement, à partir du moment où ça coûte plus cher, et ben voilà, il y a un barrage. Hein, et ça va le priver de confort, parce que la vue c'est un confort, l'aération, la ventilation c'est un confort. D'accord. Donc ça va le priver quand même de deux choses essentielles. Encore une fois, ce qui est très surprenant, c'est qu'il ait pu obtenir un permis de construire, ce propriétaire, en limite de propriété, avec des vues sur le voisin. Je doute que tout cela soit tout à fait légal. Je doute d'un réel permis de construire dans cette affaire. Ah. Enfin, ou alors, il y a forcément une non-conformité sur la maison. Ça ne devait pas être sur le permis. Il y a peut-être eu les ouvertures qui ont été pratiquées après voilà. Parce que le service urbanisme n'aurait pas effectivement accepté. Tout à fait. Ouais. On va aller faire un tour à Saint-Paul. Claudie est avec nous. Bonjour Claudie. Allô Claudie. Claudie. C'est peut-être Claude alors, de Saint-Paul. Non, marche plus. C'est moi qui ne vois pas. Il y a quelqu'un? Allô? Bon, allez, 02 62 99 2000, c'est le numéro de téléphone à composer pour poser vos questions aujourd'hui à Sylvie Cadet de l'Agence départementale d'information sur le logement, à Cyril Vélan, président de l'Ordre des géomètres experts, 02 62 99 2000. On a également des questions par SMS, le temps de retrouver Claudie de Saint-Paul au téléphone. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ma femme et moi allons être propriétaires, il y a une servitude de passage qui est actée. D'accord, vu au compromis de vente, mais sur le plus, la servitude n'apparaît pas. Est-ce que c'est normal et est-ce que nous n'aurons pas de problème plus tard? Question de Jérôme de Sainte-Suzanne. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, ça me paraît un peu bizarre cette affaire, mais le PLU est un document d'urbanisme propre à la collectivité qui en aucun cas ne fait apparaître de servitude de droit privé. Donc c'est normal, Jérôme. Donc c'est tout à fait normal. Oui. Sur un PLU doit apparaître des projets d'aménagement, des emplacements réservés, des choses comme ça, mais une servitude privée qui desservirait une propriété n'apparaît absolument pas sur le PLU. Mais donc, ça, on l'a dit tout à l'heure, il faut le demander, alors il doit apparaître où? Mais dans l'acte de propriété, la personne l'a parfaitement dit. Ah à bon, partir du moment où voilà, c'est acté, Jérôme, c'est conventionné dans l'acte de propriété, bon, l'idéal c'est qu'il y ait un beau petit plan de géomètre expert qui soit annexé à cet acte de façon à ce qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur la définition de la servitude, parce que c'est parfois très difficile de reporter littéralement dans un acte la définition géographique d'une servitude. C'est pas simple, franchement c'est pas simple. Et dans ce cas-là, quand un beau petit plan parcellaire qui fait apparaître servitude est annexé à l'acte de propriété, avec une belle petite couleur, il n'y a plus d'ambiguïté possible sur sa définition et tout le monde est préservé. Et comme ça après, on n'a pas de problème après en disant « Eh voilà. Oh, voici mes papiers, il y a tout qui est dedans. Hein. » Bon. Voilà, tout à fait. C'est important. Sylvie ? Alors, il voulait peut-être dire que la servitude n'apparaît pas sur l'extrait de plan cadastral. Oui. Ouais, peut-être que c'est ce qu'il a voulu dire. Il parlait de PLU, donc je sais pas. Bon, oui, c'est vrai qu'il a parlé du PLU. Hein, pareil, si c'est le plan cadastral, il n'y a aucune raison non plus que apparaisse sur le plan cadastral. Donc le plan cadastral n'est qu'un plan à intérêt fiscal. D'accord. Donc même s'il y a parfois quelques détails topographiques qui apparaissent en pointillé sur le plan cadastral, il n'en demeure pas moins que ça ne reste qu'un support pour le calcul de l'impôt foncier. Donc le principal pour lui, c'est que ça apparaisse sur son acte de propriété. Dans son acte, tout à fait. Ça, c'est primordial. Bon, et ben voilà. Donc Jérôme, ne vous inquiétez pas, vu ce que vous nous dites, tout va bien. Tout va bien. 02 62 99 2000, les experts, à tout de suite. Il est pratiquement invisible, parce que pour lancer le permis de construire par un architecte, l'architecte ne peut pas dire le plan. On a été le voir. Le géomètre n'a aucun plan au niveau informatique. Il n'a que du papier et surtout ce papier, c'est invisible. Comme ça, le travail a déjà été fait, tout a été conçu depuis plusieurs années. Oui. Donc là, il avait attendu d'été pour faire établir un plan de maison, quoi. Je suis bonjour monsieur, je suis très surpris qu'aujourd'hui encore, on n'ait plus que des plans entre guillemets, papier. Le partage dont vous parlez, il est ancien ? Ah oui, ça a été fait depuis 2000 et des brouettes, quoi. C'est pas ancien, 2000. Même si c'est 2000 et des brouettes, ça paraît, ça paraît très récent. Oui. Ben moi aussi. Ouais, donc, le géomètre en question ne peut pas vous répondre qu'il n'a pas de plan, qu'il n'a pas de support informatique de son. Ça, c'est pas possible. C'est vrai, en plus, on a été le voir quelquefois, et il a cherché, il a eu des soucis d'informatique avec un employé, et puis, on dit, mais comment on fait maintenant? On est bloqué, là. Et qu'on n'a pas eu de réponse, et jusqu'aujourd'hui, on sait pas trop comment faire, parce qu'il faut refaire le même travail quand on l'a déjà payé. J'imaginais un peu. Non, il n'est pas question de refaire le même travail. Le travail a été fait, des plans ont été établis. Il y a toujours moyen de reconstruire, entre guillemets, ces plans. Donc, moi, j'ai le même plan plus ou moins parce que le terrain, ça se trouve plus ou moins côte à côte. Oui. Le mien a été plus ou moins un peu lisible. L'architecte, on a pu, sur le terrain, mesurer avec ce qui était écrit sur le plan. Mmh. Sauf que elle, le terrain, il n'est pas nettoyé, ça fait qu'on n'a pas trop l'accès, quoi. Et là, elle est un peu embêtée pour dire qu'on va aller mesurer sur le terrain, mais elle dit non, parce que l'architecte dit, si on commence le travail, il va tout faire, il va pas aussi payer quelqu'un pour nettoyer, pour pouvoir mesurer concrètement ce qui a été écrit par rapport à ce qui est sur le terrain. Alors elle m'a dit, c'est dommage, on aurait pu avoir sur le plan sur informatique pour mieux travailler dessus, quoi. Mais il n'a pas. Alors, deux petites choses. Faisons bien une différence entre la confection d'un plan et aussi le travail sur le terrain. Si votre terrain est très en friche et qu'on a du mal à repérer sur site les limites, ou même la topographie parce que le terrain est en friche, j'ai quand même un certain doute à croire que l'architecte va pouvoir travailler convenablement. D'accord. Ça me paraît difficile. Maintenant, pour revenir à ce plan dont vous ne pouvez plus avoir de copie, enfin, ça me gêne profondément parce que, à l'heure d'aujourd'hui, tout géomètre expert a des archives. Déjà, a l'obligation de conserver des archives et de délivrer des copies. Ça, c'est une obligation déontologique et ordinale. Donc on ne peut pas s'y soustraire. Ouais. Maintenant qu'un plan qui a une dizaine d'années ne soit pas numérisé, enfin, j'y crois pas. Il n'y a pas une bibliothèque des géomètres experts où il y a tous les plans, donc qui peut contacter pour passer. Alors, il y a un site qui s'appelle Géofoncier sur lequel doivent être référencés tous nos travaux à incidence foncière. D'accord. Donc n'importe quel commun des mortels, comme vous Isabelle, ou comme notre auditeur, peut aller sur ce site, repérer sa parcelle cadastrale et voir si un géomètre a travaillé dessus. Si c'est le cas, il y aura un petit logo GE bleu qui apparaîtra. Et donc après, on peut contacter le géomètre en question pour savoir ce qui a été fait sur la parcelle. Ah, bah voilà. ça peut être une bonne indication. Voilà. Mais les archives, sont conservées. Les archives sont conservées en tant que minutes au sein de chaque cabinet de géomètre expert. Bon, bah là, on dirait l'entraînera là, ou un peu Carissoudri, Claudie. Bah, hein, ouais. Donc, allez, rôde un peu le bout. Ouais, hein. Ce que je vous propose, c'est peut-être hors antenne qu'on se rappelle et puis que vous me donniez le nom de ce géomètre en question et que qu'on essaye de voir ce qui est possible de faire. Mais ça, c'est un bon plan, ça. Ok, raccroche pas, Claudie. Les bons ? Ok. S'il passe pas par la porte, faut passer par la fenêtre. Tu connais comment il est. Voilà. Raccroche pas. Merci, Claudie. Allez, bye bye. 02 62 99 2000. Marie de Saint-Jo est avec nous. Bonjour, Marie. Oui, bonjour. Bonjour. Quoi l'a fait, Marie ? Alors, voilà. Moi, ma question, c'est que j'ai quitté mon loyer au mois d'août. D'accord. On a fait l'état des lieux de sortie, vu qu'il y avait l'état des lieux d'entrée. Oui. Jusque-là, tout va bien. Sauf que je viens de recevoir... c'est l'agence qui gère l'appartement que j'avais loué. D'accord. Sauf que ils m'ont envoyé un courrier en me disant, voilà, il y a eu des dégradations locatives. Oui. Et si je vous dis les dégradations locatives, c'est de la poussière sur les prises électriques, la poussière sur le carrelage, la poussière sur les portes. D'accord. Est-ce la dégradation qui paraît avec un chiffon, quoi. Bon, voilà. Voilà. Mmh. Est-ce que alors ils ont fait intervenir une agence de nettoyage pour nettoyer et ils m'ont facturé le déplacement et la poussière à nettoyer sur le dépôt. Dégradation locative. Combien? Et là, et en plus, ma deuxième question, c'est que est-ce que les ordures ménagères sont comprises dans les charges locatives ou pas? Allez, ça c'est pour Sylvie. On va commencer. Vous avez 2 heures. Bonjour Marie. Bonjour. 2 heures, vraiment? Non. 1 minute. C'est détail, alors. Allez. Alors, pour ce qui est de l'état des lieux de sortie qui a été établi, Marie, il était mentionné qu'il y avait ces traces de poussière. C'est écrit état d'usage ou mauvais état, mais il y avait déjà à l'entrée, hein, parce que l'état des lieux d'entrée, c'est juste à côté l'état des lieux de sortie, c'est kiff-kiff bourricot, quoi. Alors, est-ce qu'il y a un élément dans l'état des lieux de sortie sur lequel l'agence immobilière pourrait s'appuyer, par exemple, prise sale aux poussières incrustées. Oui, c'était écrit pareil. Quand on est entré dans l'appartement, c'était déjà le crâne comme c'était. D'accord. Quoi. Mais est-ce que... Enfin, c'est vrai que là, je n'ai pas les deux états des lieux sous les yeux. Mmh. Mais enfin, si effectivement on compare l'état des lieux de sortie et l'état des lieux d'entrée et qu'il n'y a pas d'éléments autres, l'agence immobilière ne pourra par conséquent pas vous faire payer en fait, ce dont vous me parliez tout de suite. D'accord. Maintenant, reste à savoir comment c'est mentionné, hein, parce que la façon dont c'est inscrit peut faire complètement la différence. Et je réserve en fait ma réponse après avoir vu vos deux états des lieux de sortie, après avoir comparé les deux. Là, effectivement, on pourra vous dire si on peut ou non vous réclamer ces sommes. D'accord ? Parce que état d'usage, effectivement, c'est vague. Hein. Maintenant, il faut voir si à un moment donné, ils ont indiqué en clause particulière, par exemple, état général, poussière à plusieurs endroits. Vous voyez, ça peut être quelque chose de général qui est inscrit quelque part. Des petits détails, mais ça change tout, quoi. Voilà. Et si jamais, effectivement, il est inscrit à un moment donné dans l'état des lieux de sortie, cet élément-là, effectivement, ça peut être justifié. C'est pour ça qu'il faudra ça dépend, voir. Donc, vous prendrez rendez-vous pour qu'on compare juste et qu'on vous donne notre avis. D'accord. Si vous me dites que c'est exactement la même chose, ils ne pourront pas réclamer. Okay. Par contre, s'il y a d'autres éléments, eh ben, on contrôlera, on vous donnera notre avis. Et pour la taxe, d'enlèvement d'ordures ménagères, il s'agit d'une charge dite récupérable. Cela veut dire qu'ils peuvent très bien vous réclamez donc cette charge, mais après, reste à savoir, vous étiez en appartement ou en maison individuelle? En appartement, oui. Voilà. Mais ils m'ont donné un document qui est écrit taxe foncière 2015 avec un tas de chiffres, mais il n'y a rien qui dit que c'est apparemment, parce qu'on est à plusieurs appartements, il y avait beaucoup d'appartements dans l'immeuble. Oui, donc, il ne me donne aucun détail, il me dit voilà, c'est temps pour vous et. L'adresse précise apparaît apparaît pour votre appartement. Elle apparaît, mais pour l'adresse de l'immeuble. Ça se paye un peu, mais ça d'immeuble là-bas, là, en bon. Fait, pas les siennes. Alors, s'il s'agit d'une seule taxe pour tout l'immeuble, oui. il y aura un prorata qui devrait être fait en fonction de cette taxe d'enlèvement d'ordures ménagères qui apparaît sur la dernière colonne. Donc, par rapport à ce montant global, donc là, il faut absolument savoir quelles sont les superficies des autres appartements. Si les appartements sont identiques, on va diviser en fait par le nombre d'appartements. D'accord. Mm-hmm. Bon, maintenant, si votre appartement est plus grand ou plus petit que les autres, hein, là, il faudra faire un prorata. Mais c'est bien une charge récupérable. Bon, après, il y a autre chose qu'on devra vous dire, mais là, ça va être un petit peu long. Oui. Concernant les charges, en fait, locatives, parce qu'il s'agit d'un appartement, il faudra qu'on vous parle de ça. C'est la régularisation annuelle, parce que j'ai des questions à vous poser là-dessus. Voir si ça a été fait ou pas. Alors, ce qu'on va faire, c'est que. Marie, elle a là, plus le temps d'un journal. Nous prends votre numéro de téléphone, okay. donne ça à Sylvie, comme ça elle va essayer de dépatouiller ça, on dirait Poudka. Là, il faut prendre un petit peu plus de temps. Les bons ? Okay. D'accord. Ok, ou raccroche pas ? D'accord. Allez, bisous. Merci. Marie. Allez, juste après le journal de France Info, on se donne rendez-vous et on continuera avec Sylvie Cadet, Cyril Vélan, vos questions 02 62 99 2000. Ah, je vois que ça clignote là, hein, sur le standard. Ne vous inquiétez pas, on vous rappelle juste après les informations. À tout de suite. Tu prends courage, un bateau là pour couler, bateau pour faire nos phrases, tu trouves pile le bord où ça il est. Il faut que tu prends courage, un bateau là pour couler, bateau il a fait nos phrases, tu trouves pile le bord où ça il est. Dans la vie n'a des hauts, n'a des bas, n'a toute situation. Alors qu'on est en bas, il faut pas couper de la raison. Même si demain matin on croit que c'est la fin, il faut pas perdre moyen. Tu lèves le poing. Dans la vie n'a des hauts, n'a des bas, n'a toute situation. Alors qu'on est en bas, il faut pas qu'on perde la raison. Même si demain matin on croit que c'est la fin, il faut pas perdre moyen. Il faut tu lèves le poing. Il faut tu prends courage. Ton bateau là pour couler, bateau pour faire nos phrases, tu trouves pile le bord où ça il est. Il faut tu prends courage. Bateau là pour couler, bateau il a fait nos phrases, tu trouves pile au bord où ça il est. Il faut que tu prends courage, ton bateau là pour couler, bateau pour faire nos phrases, tu trouves pile au bord où ça il est. Faut que tu prends courage, ton bateau là pour couler, bateau il a fait nos phrases, tu trouves pile au bord où ça il est. Faut pas décourager. Le bonheur, les fous demain, mettre le mauvais de côté. Johan, faut-il prendre courage sur la première. Il est 11h, voici le journal. Rendez-vous juste après pour les experts. Toute l'info avec Jean-Christophe Martin. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour Marie, bonjour à tous. La bataille de Mossoul est lancée. C'est le Premier ministre irakien qui l'annonçait cette nuit. Une bataille aux enjeux à la fois stratégiques et politiques pour l'Irak. On y revient dans un instant. Également dans l'actualité, la visite de François Hollande à Florange et l'ouverture d'une première salle de shoot parisienne. Et le football, un match symbolique pour l'OM hier soir. L'Olympique de Marseille jouait son dernier match de l'ère Louis-Dreyfus. Une victoire sur Metz 1-0. Comment les supporters attendent-ils le nouveau propriétaire? Reportage à Marseille dans quelques minutes. France Info. L'Irak a donc annoncé cette nuit le début de la bataille de Mossoul. Cette grande ville du nord de l'Irak est le dernier bastion du groupe État islamique dans le pays. Bonjour Alice Delève. Bonjour. Une offensive préparée de longue date. Les troupes se déployaient depuis des semaines autour de Mossoul avec beaucoup d'inquiétude, Elise, pour les civils qui se retrouvent piégés dans la ville. Oui, et l'ONU s'est dit cette nuit extrêmement préoccupée. Les ONG ont construit quelques camps autour de Mossoul, mais sans eau ni électricité pour l'instant. Elles s'attendent à l'exode d'un million de personnes. Une crise humanitaire sans précédent. Des responsables à l'ONU affirment qu'on ne peut pas faire face à l'afflux de plus de 150 000 personnes à la fois. Hier, l'armée irakienne a largué des dizaines de milliers de tracts pour prévenir la population. Les habitants seront en première ligne lors des combats. L'ONU craint que Daesh n'utilise les personnes qui fuient Mossoul comme bouclier humain. Et l'État islamique a pris le contrôle de Mossoul depuis 2 ans et connaît donc parfaitement le terrain. Ils ont piégé la ville et creusé des tunnels. Les civils pourraient en être les victimes. La bataille de Mossoul, c'est une guerre urbaine. L'offensive devrait durer plusieurs semaines, voire plus, a indiqué ce matin la coalition internationale. Merci Alice Delève. Cette offensive, elle a été lancée il y a donc quelques heures par l'armée irakienne avec ses alliés kurdes et la coalition internationale dirigée par les États-Unis avec des troupes américaines et françaises et notamment l'appui aérien du Charles de Gaulle déployé depuis une quinzaine de jours au large des côtes syriennes. PSA s'apprête à supprimer plus de 2000 postes en France. C'est une information France Info, c'est ce que révèlent des documents internes aux constructeurs automobiles. Exactement 2133 postes menacés dans les usines françaises du constructeur. Le groupe qui ne prévoit pas de licenciement sec mais pour l'essentiel des départs volontaires ou des pré-retraites. On en vient à sa visite à haut risque politique pour François Hollande, aujourd'hui à Florange. Le chef de l'État sur le site des hauts fourneaux d'ArcelorMittal en Moselle cet après-midi. Il vient expliquer aux salariés que malgré la fermeture des hauts fourneaux en 2013, il a bien respecté ses engagements de la campagne pour la présidentielle 2012. C'est ce qu'il répète dans une interview aux Républicains Lorrains et aux autres journaux du même groupe ce matin en soulignant que les 650 salariés concernés ont bien été reclassés sur place. Analyse rejetée par la CGT qui appelle les salariés à se mobiliser dès ce matin à l'entrée de l'usine. Même défiance du côté de Force Ouvrière, ce que confirme son représentant local, Frédéric Weber. Nous n'irons pas voir le président et nous gardons notre mépris pour nous, mais par contre pour lui ce sera l'indifférence. C'est que de la com. Vous savez, c'est pas parce qu'on répète 100 fois un mensonge que ça devient une vérité. Hein. Donc là, il va organiser une petite séance de télé-réalité à Florange. Donc on va sécuriser le site. La direction va rencontrer le président accompagné de salariés triés sur le volet avec des représentants du syndicat des cadres et une partie de la CFDT, parce qu'a priori, ils n'étaient pas tous d'accord entre eux. Nous, FO, on ne sera pas présents. La CGT ne sera pas présente. Et les salariés seront au travail. Donc je pense qu'il est dans un délire parce que réellement, il n'a pas sauvé les hauts fourneaux de Florange. On n'a pas encore des perspectives économiques. Même si les choses se sont un petit peu améliorées, il reste des difficultés que nous, on gère au quotidien avec les salariés qui travaillent sur le site. Et puis, d'un point de vue moral, c'est pas honnête. Le représentant local de Force Ouvrière à Florange, Frédéric Weber. Les forces de l'ordre ont ramené le calme hier soir dans la prison d'Eton, en Savoie. Tous les détenus ont rejoint leur cellule après un soulèvement qui a duré plusieurs heures et après un début d'incendie. Et c'est finalement aujourd'hui qu'ouvre à Paris la première salle de shoot officielle en France. Et c'est un espace au sein de l'hôpital Lariboisière, dans le 10e arrondissement. Il est réservé aux toxicomanes majeurs qui s'injectent des produits qu'ils apportent eux-mêmes avec du matériel stérile qui est fourni sous la supervision de personnel qualifié. La France rejoint ainsi les très nombreux pays qui testent ce genre de dispositif depuis des années. Exemple en Espagne, où ces salles de shoot ont fait leurs preuves. À Madrid, pour France Info, Mathieu de Taillac. En Espagne, la première salle de consommation était ouverte à Madrid en 2000. Elle a ensuite été fermée en 2011 pour des raisons budgétaires, indiquait la région. La Catalogne a ensuite ouvert jusqu'à une douzaine de salles. Bilbao, enfin, au Pays Basque espagnol, accueille une salle. L'Espagne est parvenue à peu près à dépolitiser le débat depuis le vote d'un plan national anti-drogue dans les années 80, adopté à l'époque à l'unanimité par le Parlement. À la Fondation Santé et Communauté, Xavier Ferrer, psychologue et spécialiste des questions de drogue depuis 40 ans, a supervisé la salle installée dans un quartier de Madrid où la consommation et la vente étaient très habituelles. Le docteur Ferrer a constaté des bénéfices immédiats pour les toxicomanes. La mortalité par overdose a diminué de manière importante. Pendant tout le temps qu'a été ouverte la salle de Madrid, il n'y a eu que 3 morts pendant 11 ans, alors qu'avant il pouvait y en avoir jusqu'à 3 par semaine. En Espagne aussi, les protestations du voisinage sont habituelles. Le mois dernier, lors de l'ouverture d'une nouvelle salle à Barcelone, par exemple. Mais la situation tend en général à s'apaiser avec le temps. Madrid, Mathieu de Taillac, France Info. Le football maintenant, Jean-Christophe, un match symbolique pour l'OM hier soir. L'Olympique de Marseille a réussi son tout dernier match de l'ère Louis-Dreyfus en battant Metz 1-0 dans la 9e journée de Ligue 1. L'Américain Frank McCourt achète un club qui est donc classé 12e du championnat, mais surtout un club en plein doute et des supporters plutôt désabusés à Marseille. Pour France Info, Stéphane Burgat. Entre déclin sportif et restrictions budgétaires, la fin du règne Louis-Dreyfus laisse un goût amer à Franck, le patron de la boutique des supporters. Je sais pas dans quel état je vais être content, pas content. Psychologiquement, on n'arrive même pas à réaliser ce qui s'est passé en fait. Moi, je sais que personnellement, je suis secoué. Hein. Ça a été terrible. On verra pour le rêve, mais arrêtons le cauchemar. Tout ce qu'on demande, réveillez-nous, le dormeur doit se réveiller. Pour Nono, du groupe de supporters Les South Winners, ce doit être un des objectifs premiers de Frank McCourt, raviver la flamme auprès d'un public qui a déserté le stade Vélodrome. On a toujours la même passion, mais bon, les œillères sont tombées. Il n'y a plus trop d'engouement ni d'intérêt à aller au stade, quoi. À part faire un peu la fête avec les collègues, on sait qu'on ne va pas voir du grand spectacle, l'engouement n'y est plus, hein, je veux dire. Ni crainte ni impatience, à l'inverse, dans le discours des joueurs, à l'image de l'attaquant Florian Thauvin. On a besoin de gagner des matchs pour monter au classement, et pour l'instant, nous, on se concentre sur le terrain. Je vais très sincèrement vous répondre, on en parle très peu au vestiaire. Et les grandes manœuvres commencent pourtant dès aujourd'hui avec un premier rendez-vous à 16h entre le nouveau président et les employés de l'OM. Marseille, Stéphane Burgat, France Info. Et le premier match de l'OM avec le nouveau propriétaire, ce sera le rendez-vous face au PSG au Parc dimanche prochain. La vente définitive de l'OM étant donc signée aujourd'hui à Paris. Dans les autres matchs d'hier en Ligue 1, un partout entre Rennes et Bordeaux. Même score pour Saint-Etienne face à Dijon. L'Europe à la conquête de la planète Mars. Le module d'atterrissage Schiaparelli a quitté hier après-midi le vaisseau en orbite autour de Mars. Il commence 3 jours de descente vers la surface. C'est la première mission russo-européenne en quête de traces de vie sur la planète rouge, la mission ExoMars. Retour sur Terre avec Céline Aslo, il est 9h07, c'est l'heure des audiences télé. Céline, les chiffres viennent d'arriver. Oui, c'est un super-héros hein, qui se retrouve star des audiences selon les chiffres de Médiamétrie. Captain America, suivi par 4 800 000 téléspectateurs, c'était sur TF1. TF1 qui devance donc largement la concurrence, même si France 3 résiste bien grâce à Murdoch. Les enquêtes de Murdoch suivies par 3 600 000 personnes. À la troisième place, on trouve France 2 qui proposait hier soir un portrait de Jacques Chirac, l'homme qui ne voulait pas être président, suivi par 2 800 000 personnes. 2 300 000 personnes sur M6 pour un nouveau numéro de Zone Interdite consacré au Mondial de l'Auto. Et puis Arte continue à cartonner avec ses soirées cinéma. Près de 2 millions de téléspectateurs pour le film Black Book proposé hier soir. Céline Aslo, on vous retrouve dans quelques minutes sur France Info. Il est 11h08 sur la première. Boostez votre journée en suivant la météo avec Fanamalt, boisson énergisante. Et où que vous soyez, il fait beau aujourd'hui, toujours du beau temps, peu de changements par rapport à hier. Il fera beau également cet après-midi, les cirques volcans, les plaines ainsi que le bord de mer vont profiter d'un soleil généreux. Quelques nuages vont bourgeonner sur le relief, mais sans incidence sur les précipitations. Le vent de nord-est reste faible, sauf du côté de la Grande Chaloupe jusqu'au Cap Laousset, ainsi que sur la plaine des Cafres, des rafales qui peuvent atteindre les 40 km/h. Boostez votre journée en suivant la météo avec Fanamalt, boisson énergisante. Les experts, c'est jusqu'à 11h30. Nos experts sont deux aujourd'hui. Sylvie Cadet de l'ADIL, l'Agence départementale d'information sur le logement. Ça va toujours, Sylvie ? Ça va, Isabelle. Eh ben, nous, les contents. C'est déjà un bon début. Voilà. Et à vos côtés, il y a Cyril Vellan, président de l'Ordre des géomètres experts. Cyril ? Ça va aussi. Ça roule aussi ? Ça roule. C'est parfait. Vous avez un problème avec vos voisins, vous voulez en savoir plus sur la mitoyenneté des soucis à cause d'une clôture, d'un mur, de bornage. 02 62 99 2000 pour toutes vos questions. 10h midi, les experts avec Isabelle Waron sur Réunion Première. Vous n'hésitez pas, nos experts répondent gratuitement à toutes vos questions. Et c'est jusqu'à 11h30, 99 2000 par SMS, le 06 92 70 2000. On se donne rendez-vous juste après Ornel sur la première. À tout de suite. Il faut toujours méfier, car à côté, n'allez en train de guetter. Si vous avance, là où ça attire, ça tire. Et si vous tombe, ça te sera viré. Ça va mettre pas. Nous Ornel sur la première et son titre Jaloux de Moon Jaloux. Remarquez, jaloux de Moon, s'il est jaloux, il est pas bon. On est d'accord? Tout à fait. Ok, allez. Mais la jalousie, c'est pas le thème des experts. Non. Quoique, ça peut provoquer des problèmes de voisinage. C'est bien souvent l'origine de certains conflits. C'est vrai? Ah oui. Il faut plus qu'un géomètre expert, là, par contre, pour régler ça. Si. Bah, un géomètre expert, ça doit être un technicien de la mesure, un juriste, mais aussi quelqu'un qui fait preuve de philosophie et qui doit être, à mon sens, un artisan de paix. Oh. Et quand il quitte son terrain, il doit laisser la paix autour de lui. Non, mais c'est beau, mais c'est... Mais il y arrive. On essaye. On essaye. En tout cas, il faut pas partir en laissant la zizanie derrière soi. Cyril Vélan, notre président de l'Ordre des géomètres experts philosophes à vos côtés. Oui. Sylvie Cadet de l'Agence départementale d'information pour le logement qui prodigue des conseils. Et puis de temps en temps, elle sème aussi la paix, c'est important, Sylvie, vous êtes d'accord? On fait du mieux qu'on peut, tout cas, pour que tout se passe bien. Allez, 99-2000, on va aller au standard où Bertrand de Sainte-Rose, eh bien, il y a un souci avec ses voisins. Coucou Bertrand. Oui, allô, bonjour. Bonjour, quoi l'arrivée? Ben, Mitton veut poser sa question, parce que quand des fois, Mitton va sur Saint-Jean, chez ma copine, et Nina a un problème de voisin pour une histoire de parking. L'autre fois, je l'avais tiré photo au Moloto, nous l'avait passé devant un truc médiateur, et, parce qu'en fin de compte, le barreau, les communs de cœur. Les communs d'équerre et son barreau, les juste de mettre contre sa nous, les communs d'équerre. Les autres, ils allaient à l'entrée, des yeux dans différentes autres voitures. Oui. Et le fois, comme elle aborde ma voiture devant le barreau de ma copine, le voisin, il trouve que ma voiture est gênée ailleurs. Et en fin de compte, c'est un truc de jalousie, non? Ah, ben on était dedans, justement. Et après, chaque fois, ça qui joue le jeu, ça qui bosse votre voiture devant, et alors que j'ai l'entrée des IA, et nous la prenons l'entrée. Mais alors Bertrand, quand ou gare ou de l'auto, là, ou borde devant le barreau d'autres copines, là, ou gêne pas personne, en fait? Ben en fin de compte, la pointe de place pour garer, comme ma copine, lui peut se voyer, normalement, il devrait avoir un parking devant. Oui, elle n'est elle, la pointe. Ben, elle est dans un petit parking devant, quand on est au gant, les gens là, ils gardent aux gros yeux, et en fin de compte, ils sont comptés, ils ont joué dans le sang. Aïe, aïe, aïe. Alors là, par contre, nous guérons pas fait rien, ça nous sort pas là-dedans, ce moment, nous va rester dans le droit, nous, le parking, s'il y a droit, on a top, pour le reste, c'est pas nous, Les bons? Oui, ils sont comptés, ils ont fait tapage jusqu'à le soir. Oui, donc, ça nous concerne plus. Bon. Ouais. Bouge pas, Bertrand, on va voir que ça nous gagne fait. Les bons? Sylvie, ces histoires de parking, parce que d'accord, il y a le terrain de la discorde, mais il y a aussi, comme là on le voit, les problèmes de parking. Ça peut très très mal finir, malheureusement, dans les faits divers. On l'a malheureusement vu. Que dire? Alors, déjà, il faudrait savoir si cette personne, si le passage, pour qui le passage a été institué, plus précisément. Parce qu'en fait, on ne peut pas, une servitude de passage, comme son nom l'indique, ne va servir en fait qu'à passer. Alors, en plus, apparemment, il n'est pas très large, d'après ce que vous disiez tout à l'heure. Et en plus, en forme d'équerre, ce qui n'arrange pas les choses, pour pouvoir passer. Alors, ça veut dire qu'on ne peut pas se garer sur la servitude de passage. On comprend bien qu'il y a un problème qui doit être un problème locatif. Mais apparemment, elle a une place de parking, déjà, votre amie. Oui. Ce qui fait qu'on ne peut pas se garer dans la servitude de passage, ça, ce n'est pas, en fait, toléré. D'accord? Alors, il faut trouver une autre solution. On se gare ailleurs, mais pas au niveau de la servitude de passage. Quand vous dites que... Alors, ce passage que vous utilisez, que votre amie utilise, puisqu'elle est locataire à cet endroit, est-ce qu'il est ouvert à d'autres personnes, et notamment à vos voisins? Normalement, par en bas, il y a encore des voitures, chacun, il bosse sa voiture, contre sa maison, Et comme ça, je l'ai l'entrée des hier, entre moi, t'as le trois voitures des hier, Alors, tout le temps, ça tu fais exprès, ça tu bosses devant, comme ça, comme nous l'a finalé deux fois devant le médiateur. Et le médiateur dit, il veut plus voir nous là-bas, et un jour, on passe devant le grand tribunal. Et ces gens-là, ils font esprit, ils ont un regard devant, et alors que j'allais l'entrée d'hier, Alors même s'ils ont Attends, Bertrand. Même s'ils ont une entrée en fait à l'arrière et qu'ils peuvent garer en fait un plus grand nombre de véhicules, oui, il n'en reste pas moins qu'on ne peut pas se garer sur la servitude de passage. Voilà, c'est ce que je peux vous dire aujourd'hui, avec les éléments que vous nous donnez là au téléphone. C'est-à-dire que même si on ne gêne pas, même si on ne dérange pas, même si l'autre peut se garer ailleurs, on n'a pas à se garer sur une servitude de passage. Voilà. Exactement. Oui, mais mi n'est pas bon d'ailleurs, moi, parce qu'ailleurs, il y a d'autres véhicules. Et moi, mi à côté là, le barreau de ma copine, moi. Oui, ben oui, mais Bertrand, Bertrand, le problème, c'est que même si vous bordez côté son barreau de haute copine, c'est la servitude de tout le monde. Mais si tout le monde y gare là, ben il gagne pas. On comprend. Donc là, à mon avis, il faudra vous border un peu plus loin et vous marcher un petit peu à pied, parce que sinon, ça, ben, on a tort, en fait. C'est ça, notre train essaye. Oui, c'est ça. On comprend. On ne peut pas effectivement obstruer le passage. La servitude de passage, comme son nom l'indique, permet effectivement de passer, éventuellement s'arrêter hein, quand on dépose quelqu'un qui est malade, mais etc. Mais on ne peut pas effectivement, sur du long terme, rester là, à cet endroit. Ça peut gêner le passage. En plus, ça peut être dangereux parce que les véhicules de secours pourraient ne pas pouvoir passer. Et voilà, ça peut être quelqu'un, un voisin qui peut être très malade. Les médecins ne peuvent pas arriver jusqu'à lui ou l'ambulance. Donc vous voyez, donc en plus, il ne faut même pas prendre ce risque-là. Bertrand, voilà ce qu'on pouvait vous dire. On a bien compris, mais vous comprendrez aussi que là, sur ce coup-là, bah, vous avez tort. Merci. Bah, allez. Allez, à bientôt, Bertrand. Au revoir, Bertrand. Au revoir, merci beaucoup. C'est vrai que souvent, comme ça, on a l'impression qu'on a raison, qu'on se gare, mais on gêne personne. Donc, c'est quoi le problème? Mais si ça ne peut pas, si ça le fait pas, ça le fait pas. Quoi, ça fait on pas, pourra ça fait tourner pas. Ça une, dans tous les sens. Une servitude est destinée à passer. Donc, on peut s'arrêter très momentanément pour déposer ses courses, pour déposer mamie, pour voilà. Mais un passage est fait pour passer. Voilà. Donc, on ne stationne pas sur une servitude de passage pour plusieurs raisons, mais la raison la plus importante, c'est effectivement c'est les secours qui ne pourraient pas arriver, c'est la sécurité qui peut être mise en voilà, péril. Donc déjà, au moins rien que celle-là devrait suffire à calmer tout le monde. Et ça n'est pas une raison de se garer là en se disant bah oui, mais l'autre gars il passe par l'autre côté là-bas, il rentre. Ça non plus, ça marche pas. C'est servitude de passage, on passe. Même si les servitudes de passage sont de droit privé entre guillemets, il n'en demeure pas moins qu'elles sont ouvertes à l'usage du public, du public concerné par cette servitude. Et donc, on doit laisser le passage pour que tout le monde puisse l'utiliser correctement, sans gêne. On va aller à la plaine des Cafres. Michel est avec nous. Bonjour Michel. Bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde sur le plateau. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors, moi, j'appelle pour avoir un petit renseignement. Oui. En 1960, mes parents ont acheté un terrain sur Saint-Joseph. En 1960, d'accord. En 1960. Oui. Alors, après, en 1987... Un voisin est arrivé, achète un terrain, comme ça, sans bon âge, sans rien. Et en 2010, monsieur, le voisin décide de faire mesurer le terrain. Il s'avère que la borne passe sur le terrain de ma maman. Mmh. Alors, je voulais savoir si, 50 ans après, il décide de mesurer son terrain et que, où j'ai un recours, quoi. Alors, Cyril Vélan, président de l'Ordre des géomètres experts. Donc là, s'il ne trouve pas une solution, mais qu'il faut faire, moi. Oui. Alors. Bonjour, monsieur. Il n'est jamais trop tard pour borner son terrain. Ça, c'est la bien première sûr, chose. Bien sûr. Qu'on l'ait acquis en 60 ou plus tard ou avant, peu importe, il n'est jamais trop tard pour borner son terrain. Ouais. Si effectivement le voisin a décidé de faire borner, c'est qu'a priori, ce terrain n'avait jamais été borné. Et je pense qu'aussi, le vôtre n'avait jamais non plus été borné. Ouais. Officiellement, je pense. C'est ça. Un vrai borne, quoi. Voilà. Ouais. Donc je suppose que la limite séparative entre le terrain de votre voisin et le vôtre, elle était peut-être apparente, elle était peut-être plus ou moins fixée, je dis bien plus ou moins, mais elle ne l'a jamais été faite de façon contradictoire et officielle. Donc, je veux dire que le terrain, quand mes parents avaient acheté, il y a les enclos en roche comme longtemps, là. Oui, oui. Donc, il y a un enclos en roche qui séparait les deux terrains. Est toujours existant. Alors, après, le voisin fait donc procéder au bornage de sa propriété. Le géomètre expert qui intervient. Comment ça se passe? Il fait d'abord un relevé état des lieux sur le terrain. Ensuite, il va convoquer l'ensemble des voisins pour un rendez-vous de bornage que vous aurez sûrement fixé ensemble. Et il va s'attacher à trouver tous les éléments qui vont lui permettre de mettre en place cette limite. Alors, c'est sûr que des rangs de roches, des rangs de pierres sèches sont des éléments de délimitation. D'accord. Mais il y a vraiment d'autres éléments aussi à prendre en compte. Il y a la lecture des actes à faire, il y a la recherche de documents anciens, de plans de bornage, de d'autres documents qui pourraient exister. Il y a, des chandelles que le géomètre en mesurant a pu trouver sur le terrain. Il y a une jurisprudence à La Réunion qui dit que le chandelle est un terme de limite. Il y a toute une succession d'éléments qu'il faut rechercher, analyser, hiérarchiser, de façon à pouvoir proposer à l'ensemble des parties la limite qui sera la plus régulière, la plus proche de la réalité. Et à force de cette proposition, ensuite, il faut trouver un consensus, un accord amiable sur ce qu'on propose. Donc, je ne sais pas si pour l'instant, vous avez déjà signé un document. Non, je n'ai pas signé. On a fait monter j'appelle plus le nom. Un géomètre. Non, pas géomètre. Un huissier. Non, c'est pas un huissier non plus. Un médiateur. Un médiateur. D'accord. Merci, madame. Alors, le médiateur va peut-être pouvoir intervenir sur la forme de la procédure. Maintenant, sur le fond. Effectivement, soit le géomètre expert fait bien son travail, il propose une limite qui est cohérente et qui convient aux deux parties, auquel cas on signe un procès-verbal de bornage et puis la limite elle est établie, elle est définitive et c'est parfait. Si effectivement la limite proposée ne convient pas aux deux parties parce que vous avez des arguments qui disent que et que la partie adverse ne veut pas les entendre, dans ce cas-là, le géomètre expert va être obligé de rédiger ce qu'on appelle un procès-verbal de carence, dans lequel il explique pourquoi il n'a pas pu aboutir dans sa mission. Ce document doit être transmis aux parties, et sur la base de ce document, vous pouvez ensuite aller demander au tribunal d'instance, au TI, la mise en place d'un bornage judiciaire. Un expert sera nommé, en gros les mêmes mesures vont être faites, des propositions seront faites, et puis le juge tranchera et dira voilà, la limite elle est ici. Non mais par exemple quand le médiateur est monté, on est à 8 vérifiés, mon père est mort juste pas longtemps après le bon âge, donc on est à 8 vérifiés. Ce jour-là on était 4, on était d'accord sur le bon âge. Mais on a dit aux voisins, si vous voulez mettre un mur, vous cassez tout, vous mettez votre mur, tout à vos frais. Tout à fait. De toute façon, si à partir du moment où quelqu'un veut se clôturer, veut faire son mur, c'est aux frais exclusifs de celui qui le fait. Sauf s'il y a accord express entre deux parties et convention, pour dire on fait un mur qui serait mitoyen. Mais si effectivement la partie riveraine dit je fais mon mur, elle fait son mur à ses frais. Aujourd'hui, s'il veut faire son mur, on l'empêche pas de faire son mur, il casse ce qui est en place à ses frais. Et il monte son mur à ses frais. Qu'est-ce qu'il y aurait à casser? Devant, il y a un muret, il y a deux, trois parpaings montés, et derrière, il y a les roches comme longtemps, là, les murs en enclos. D'accord. On lui a dit, si vous voulez monter votre mur, vous montez votre mur chez vous, vous cassez tout, ou bien vous montez votre mur chez vous, le mur droit sera derrière. Le reste reste derrière, ou bien si vous montez dans la limite, vous cassez tout. Vous faites tout à vos frais. Il n'a pas voulu. Petite question, monsieur. Le mur en pierre sèche ou en galets qui délimitait apparemment les deux propriétés, il avait toujours été reconnu comme tel. Il n'avait jamais souffert de contestation. Il a toujours été reconnu comme tel. Ça existe là depuis 1960. Depuis 60. Ouais, alors je suis un peu surpris dans ce cas-là que le géomètre propose. Bon, j'ai pas le dossier sous les yeux, donc ouais. je mets des réserves. Je ne sais pas si c'est un géomètre expert. Hein. C'est le voisin qui a fait monter un géomètre. Ah, mais ça ne peut être qu'un géomètre expert. Alors si c'est pas un géomètre expert, tout ce qui est fait n'a aucune valeur juridique. Hein, donc c'est même pas la peine d'en tenir compte. On oublie. Voilà. Si c'est un topographe qui a fait ça, c'est complètement illégal. Donc on oublie. C'est même pas la peine d'en parler. Si c'est un géomètre expert qui a fait ça, je suis un peu surpris que, ayant mesuré et vu sur place des signes d'appartenance, des signes de jouissance paisible, on va appeler ça comme ça, matérialisés par des murs, pas des murs, mais des enrochements, des murs de pierre sèche, n'en est pas tenu compte. Surtout que, d'après les dates que vous nous dites, il y a un principe qui s'appliquerait, c'est le principe de prescription trentenaire. Ouais. Même si on pouvait prouver qu'une limite était au-delà de part et d'autre de ces murs de pierre sèche, mais que ça fait plus de 30 ans, et si vous me parlez de 1960, bah là on c'est est ça. Largement plus de 30 ans, puisqu'on est à 56 ans, je suis un peu surpris qu'on puisse proposer, dans ce cas-là, une limite qui aille au-delà de ces pierres, si ces pierres n'ont jamais été contestées, enfin si on a toujours joui de sa propriété de cette façon-là. Ça me paraît... Bon, encore une fois, c'est sous réserve, mais ça me paraît... Ça m'embête. Ça m'embête un peu. Michel, oui, je vous embrasse. On doit se quitter maintenant. Je vous remercie pour les renseignements. À très bientôt et n'hésitez pas à nous rappeler si vous avez d'autres questions, d'accord? D'accord, Isabelle. Allez, merci, bisous. À bientôt, les experts. C'est bientôt terminé. Alors, si vous avez encore des questions, dépêchez-vous. 99-2000. Le Grand Raid 2016, c'est sur Réunion Première. Du 20 au 23 octobre, vivez les trois courses, la Diagonale des Fous, voilà qui s'élance, le Trail de Bourbon et la Mascarène. Réunion Première au cœur du Grand Raid, avec des correspondants au plus près des coureurs, des invités, des consultants et des spécialistes en direct tout au long de l'événement. Par rapport à sa préparation, par rapport à la nature. Analyse, classement, résultats, interview. Le Grand Raid 2016, c'est sur Réunion Première. Suivez le Grand Raid avec Canal Grand Raid. Partagez la passion des coureurs avec Dynamalt, boisson énergétique officielle du Grand Raid. Suivez tous les exploits du Grand Raid avec les SUV Peugeot, partenaire officiel. Première. Encore quelques questions, encore quelques minutes pour poser vos questions à Sylvie Cadet et Cyril Vélan, 02 62 99 2000, par SMS le 70 2000, où on a cette question de quelqu'un qui nous dit que ses parents habitent sur la parcelle que mamie paternelle avait laissée. Il y a une délimitation du terrain sans partage, car il y a eu un gros problème de famille. À ce jour, 4 enfants d'un des fils ont bâti de grosses maisons, et l'autre, ses enfants n'ont pas bâti, de peur de représailles. Est-ce qu'on reprend à zéro pour que chacun accepte enfin de faire le partage ou pas? Voilà, alors. Très bonne question. Ça, ça l'a compris. Oui, oui. Sylvie va répondre, c'est très bien. Merci Cyril, très courageux de cette émission. À votre service. Alors oui, il faut effectivement procéder au partage parce que tout, pour l'instant, en fait partie d'une seule et même unité foncière. Donc personne n'est propriétaire de sa parcelle et de sa grosse maison dessus. Donc ce qui fait que même pour ce qui est du calcul des taxes foncières, ça pose problème. Celui en fait qui n'a pas construit. Il est co-indivisaire aussi. Donc, de toute façon, pour que les choses soient plus nettes et que chacun puisse effectivement s'occuper de sa propriété et de sa maison, de ses impôts locaux, il vaut mieux de toute façon faire procéder au partage. C'est-à-dire aller chez le notaire. Chez le notaire. Oui. Voilà, comme ça au moins les choses sont claires. Nous, on ne va pas aller chez le notaire, on va aller à Saint-Denis, tout juste. Laurence est avec nous. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Nous vous écoutons. Vous m'entendez? Oui. Oui, je vous appelle parce que en fait, on a hérité d'un terrain familial. On est 4 enfants. Hein. Le partage a été fait au décès de mon père. Et ma mère a gardé l'usufruit. Ma question, c'est que, si vous voulez, le partage a été fait pour les 4 enfants. Mais maman, elle a pas eu de parcelle, si vous voulez, au niveau de la succession. Donc là, pour l'instant, elle est chez une des enfants. Mais je voudrais savoir, est-ce qu'elle a la possibilité de construire, de faire quelque chose à elle réellement sur le terrain, ou comment une possibilité? Alors, Sylvie. Donc en fait, il y a donc 4 parcelles. Et voilà. Sur les 4 parcelles, bonjour Laurence. Donc sur les 4 parcelles, il y a donc votre maman a conservé ce qu'on appelle la jouissance, donc l'usufruit. C'est ça. Voilà. Et elle voudrait construire sur une des parcelles. Non, en fait, pour l'instant, en fait, on se pose la question. Pour l'instant, si vous voulez, chaque enfant a eu sa parcelle, donc elle est chez un des enfants. Oui. Mais en fait, elle s'inquiète si jamais l'enfant un jour lui dit de partir ou quand il y a des petits enfants. Ah, d'accord. Si non, mais qu'elle ne s'inquiète pas. Oui, d'accord. En fait, elle n'a pas à s'inquiéter puisque justement, elle a l'usufruit. Elle est protégée. Voilà. Cela veut dire qu'en fait, c'est elle qui effectivement restera dans les lieux s'il y a un problème. D'accord. Le nu propriétaire, lui, n'a pas la possibilité de lui demander de partir. D'accord, mais là, je veux dire, peu importe l'enfant chez qui elle est, il n'y a pas de... Peu importe. Elle, la maison dans laquelle elle avait construit avec mon père, elle l'a donnée à un des enfants. Mais elle n'est pas restée dans cette maison, justement, pour pouvoir donner à un des enfants. Mais elle a conservé l'usufruit aussi, sur cette maison. Voilà. Donc elle a le choix, elle peut s'installer donc là où elle veut, chez un des héritiers. De toute façon, à partir du moment où elle a l'usufruit, elle peut effectivement utiliser les lieux. Elle peut même être seule dans le bâtiment. Elle peut même louer en fait les bâtiments. Vous voyez, donc il faut bien le savoir aussi, hein, cela. Hein. Ouais. Donc tout le monde se rassure, Laurence. L'usufruit veut dire usage et fruit. C'est-à-dire que l'usage, par définition, celui qui en bénéficie, bah, c'est lui qui occupe. D'accord. Donc on ne peut pas mettre la maman dehors. Mm-hmm. Elle a le droit d'occupation des terrains. Si elle a gardé l'usufruit sur les 4 terrains, je dirais à la limite, elle va là où elle veut, quasiment. Donc voilà. Elle peut même récolter les fruits de loyer, les loyers, si jamais ça devait être loué. Mm-hmm. Donc elle est parfaitement protégée, la maman. Il ne faut pas trop s'inquiéter. Donc, on ne s'inquiète pas, Laurence, d'accord ? D'accord, merci. Allez, merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Eh bien, il faut terminer à présent cette émission. Eh oui, je sais. Vous n'avez pas envie de partir, hein ? Mais non, on est bien là. Bah, on est bien. Allez. Et pourtant, bon, allez, s'il fallait résumer, Sylvie, tout ce qui a été dit aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez envie de retenir ? S'il fallait dire aux auditeurs, attention, tel ou tel point, revenir un petit peu pour expliquer les choses. Alors, c'était assez varié, mais c'est vrai qu'on a surtout parlé de la servitude de passage. Exact. Et puis des héritages, hein, donc, et des problèmes de bornage aussi. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est important de se renseigner, d'une façon générale, sur nos droits. Alors, les questions qui ont été posées faisaient appel à certains points bien particuliers. Maintenant, les interventions qui peuvent être faites au niveau de l'agence départementale pour l'information sur le logement peuvent être encore plus générales. Hein. Donc, il ne faut pas hésiter à se renseigner. Pour ceux qui nous ont appelés, s'il y a des éléments qu'ils ont oubliés en fait, de nous donner, il est important à ce moment-là de reprendre contact. Et pour qu'on puisse à ce moment-là revoir si un élément primordial n'a pas été donné qui pourrait modifier en fait l'information qu'on a pu communiquer aujourd'hui. Alors, si on a envie de venir vous rencontrer, de vous montrer son petit schéma, si on ne sait pas est-ce qu'il a le droit, il n'a pas le droit, il faut prendre un rendez-vous. Oui, alors il est préférable de prendre un rendez-vous au 02 62 41 14 24. Dans certaines communes, nous recevons 100 rendez-vous, mais alors à ce moment-là, il s'agit de petites questions. Voilà, parce qu'il faut pouvoir renseigner tout le monde. Et nous avons aussi la possibilité de renseigner par téléphone. Donc, toujours au même numéro. Le 02 62 41 14 24. Merci Sylvie. Je t'en prie. Alors, Cyril Vélan, président de l'Ordre des Géomètres Experts, distributeur officiel de bonheur, de paix. Qu'est-ce que vous avez envie de retenir ? Moi, ce que j'aimerais, dont on reparle, c'est ce site que vous avez indiqué tout à l'heure, où tout un chacun peut aller faire tout un tour, voir si son morceau de terrain a fait l'objet d'une opération incidence foncière, effectivement. Donc, n'importe qui peut aller sur un site qui s'appelle Géofoncier, G-E-O-F-O-N-C-I-E-R. Vous accédez à ce site, muni de vos références, des références cadastrales de votre parcelle. Voilà. Si c'est la Réunion, la commune, Saint-Pierre, la section AX, la parcelle numéro 12, d'accord, vous cliquez dessus, elle apparaît. Et là, s'il y a un petit sigle GE qui apparaît, ça veut dire que quelqu'un, un géomètre expert, est intervenu sur votre parcelle. Et il apparaît, le nom du géomètre expert apparaît. Voilà, donc on peut le contacter par la suite après. Tout à fait, il est contactable. Juste pour rebondir sur ce que disait Sylvie, le géomètre expert est aussi a aussi un devoir, une mission de conseil. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec votre géomètre expert ou le conseil de l'ordre. Nous sommes là pour conseiller et le conseil est, comme sur Réunion de Première, gratuit chez les géomètres experts. Voilà, redire également, on a eu le cas tout à l'heure avec le cas de Michel, le seul habilité à dire que ce terrain commence ici, se termine là, c'est le géomètre expert. C'est le géomètre expert. Alors, pas le topographe, le voisin qui a un mètre, tout ça là. Hein. Tout à fait. Il y a beaucoup de confusions qui ont été faites par les mois et années qui ont passé. La seule personne, selon la loi de 46, de 7 mai 46, à pouvoir fixer les limites et les biens attachés à la propriété, c'est le géomètre expert inscrit à l'ordre et personne d'autre. C'est une délégation de service public que nous a confié l'État. Oui. Et donc seul le géomètre expert peut faire ses travaux à incidence foncière. Personne d'autre. Voilà, comme ça au moins les choses sont bien claires. Merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Merci et à bientôt pour un nouveau numéro des experts. Gonna be cooking all day. I ain't your mama. I ain't gonna do your laundry. I ain't your mama. I ain't your mama. Boy, I ain't your mama. When you gonna get your act together? I ain't your mama. No, I ain't your mama. No, I ain't your mama. No, wake up, arise and shine. Oh yeah, yeah, yeah. Let's get to work on time. chauffer dans nos sentiments gâtés. Nous partage la vie sans hésiter. Pour nous aimer, oui, pour l'éternité. Un cueillageon qui nous construit, un enfant qui embellit nous la vie. Dans un combat, nous les pour survivre. Sans remords, sans regret, pour nous accepter. Bouclons-nous de la vie ensemble dans un paradis. L'amour, ça a un flambeau sacré qui embellit nous les qui fortifie nos mentalités. L'amour, ça a un fléau qui peut détruire notre ego. Embrasse-nous la vie. L'amour, ça a un flambeau sacré qui embellit nous les qui fortifie nos mentalités. L'amour, sacré fléau qui peut détruire nous de l'écho, embrasse-nous la vie. Parlions dans les experts aujourd'hui bien de ces problèmes de voisinage, des soucis de servitude, de passage. Sachez eh bien que toutes les informations nécessaires sont à retrouver sur la page Facebook, l'émission Les Experts. Notez également que cet après-midi 12h30, Cyril Vélan, qui est président de l'Ordre des géomètres experts, sera eh bien l'invité de Pascal Souprayen. Il répondra à toutes vos questions également à la télévision. Donc vous pourrez participer à l'émission. Donc Cyril Vélan, qui est président de l'Ordre des géomètres experts. 16h, 18h, le bon tempo avec David. Ils font la Réunion. Ils ont rendez-vous dans le bon tempo sur Réunion Première. Acteurs du monde culturel. Les artistes de la Réunion à l'honneur. Sportifs, associations, jeunes entrepreneurs, réunionnais du monde. Donc, l'idée, c'est de pouvoir faire se rencontrer. Le rendez-vous détente de votre après-midi. Le bon tempo avec David, du lundi au vendredi, de 16h à 18h sur Réunion Première. Première. Thank you. sur la première. Il est 11h50. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuelle Obsèque et Complémentaire Santé. Réunion Première vous fait part du décès de Monsieur Amemoutou Laurent. Monsieur Amemoutou Laurent, dit Gros Laurent, premier exploitant de manège électrique de la Réunion. Le décès est survenu hier à l'âge de 78 ans. Le convoi mortuaire sortira de son domicile 15 allée des Rubis à Belle-Pierre à Saint-Denis cet après-midi à 14h30. La bénédiction aura lieu en l'église de la Source à 15h, suivie de l'inhumation au cimetière de Commune-Prima. Décès de Monsieur Robert André Georges. Monsieur Robert André Georges, le décès survenu samedi à l'âge de 83 ans, la veillée a lieu à Prima, au centre funéraire. La bénédiction aura lieu tout à l'heure à 14h en l'église Saint-Jacques, suivie de l'inhumation au cimetière de Salazie. Décès de Madame Vayabouri Chetty Mélanie Rose. Madame Vayabouri Chetty Mélanie Rose, le décès survenu aujourd'hui à l'âge de 70 ans. Le convoi mortuaire sortira de son domicile 5 chemin Reboul, ligne des Bambous à Saint-Pierre. La date et l'heure des obsèques seront communiquées ultérieurement. Décès de Madame Nanjan, née Otal Christiane. Madame Nanjan, née Otal Christiane, le décès survenu hier à l'âge de 52 ans. Le convoi mortuaire sortira du centre funéraire sud à 15h30. La bénédiction aura lieu en l'église du Bon Pasteur à Ravine Blanche à 16h, suivie de l'inhumation au cimetière de Saint-Pierre. Décès de Madame Grondin, née Donze Marie-Eva. Madame Grondin, née Donze Marie-Eva, dite Madame Aldéric. Le décès survenu hier à l'âge de 82 ans. Le convoi mortuaire sortira à 14h30 du 125 rue d'Acherier au 12e kilomètre au tampon. La bénédiction aura lieu à 15h en l'église du 12e, suivie de l'inhumation au cimetière du tampon. Décès de Monsieur Turpin Alfred Antoine. Monsieur Turpin Alfred Antoine, décès survenu hier à l'âge de 57 ans, domicilié au 462D rue Berdelille au Tampon. Le convoi mortuaire sortira aujourd'hui à 14h30 de la chapelle ardente du Tampon. La bénédiction aura lieu à 15h en l'église du Tampon. Décès de Madame Abrador Marie-Lourde. Madame Abrador Marie-Lourde, le décès survenu samedi à l'âge de 53 ans. Le convoi mortuaire sortira à 15h30 du centre funéraire du Sud. La bénédiction aura lieu à 16h en l'église de Ravine des Cabris, suivie de l'inhumation au cimetière de Saint-Pierre. Décès de Monsieur Al Charles. Monsieur Al Charles, le décès survenu aujourd'hui à l'âge de 77 ans. Le convoi mortuaire sortira de son domicile 149 chemin Épidore au Tampon. La date et l'heure des obsèques seront communiquées ultérieurement. Décès de Monsieur Frazy Alain Georges Marie. Monsieur Frazy Alain Georges Marie. Le décès est survenu hier à l'âge de 58 ans. Le convoi mortuaire sortira du centre funéraire de Bois-Rouge aujourd'hui à 15h30. La bénédiction aura lieu au centre funéraire à 16h, suivie de l'inhumation au cimetière de Bois-Rouge. Décès de Mademoiselle Crampe Marie-Anaïs Juliette. Mademoiselle Crampe Marie-Anaïs Juliette. Le décès survenu samedi à l'âge de 17 ans. La veillée a lieu au centre funéraire de Prima. La bénédiction aura lieu aujourd'hui à 14h en la chapelle de Prima, suivie de l'inhumation à Prima. Réunion Première présente aux familles endeuillées ses sincères condoléances. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuelle Obsèque et Complémentaire Santé. Quelques informations pratiques à vous communiquer. Sudéo informe ses abonnés de la commune du Tampon et bien que suite à des travaux de raccordement, des perturbations, voire des coupures peuvent se faire sentir aujourd'hui, depuis 8h ce matin, sur les secteurs de la route nationale partie comprise entre le 17e et le 10e kilomètre, la rue du Docteur Charrière, le chemin de l'Ermitage, le chemin Isotier, chemin Paul Hermann, la rue Roland-Garros et toutes les voies adjacentes. Pas facile ce petit mot adjacente là. Hein. Ah, notez que le maire de la Plaine des Palmistes informe ses abonnés du secteur du deuxième village, zone Frémicourt et rue des Fouchias, eh bien qu'en raison de travaux sur le réseau, une coupure est prévue et elle est en cours depuis 8h ce matin jusqu'à la fin des travaux. Veolia Eau informe ses clients de la commune de Saint-Denis qu'en raison de travaux sur le réseau, eh bien l'alimentation en eau sera interrompue demain à partir de 8h sur les secteurs de Saint-Denis, allée des Béroses, des Pétunias, des Primeroses, boulevard de Saint-François, chemin de la Cascade, impasse des Orchidées, impasse Ferdinand, route de Saint-François, rue de la Chaumière, rue de la Colline, des Ajonques, des Canaries, des Genêts et des Hibiscus. Notez aussi que sur la commune de Saint-Denis, d'autres travaux sur le réseau qui vont faire que l'alimentation en eau eh bien, sera interrompue demain aussi sur le secteur de Chemin de l'Espérance, Chemin des Camphriers, Chemin des Dolmens, la partie haute, des Fougères, partie haute, Chemin du Château d'Eau, Chemin du Finistère, la route Jules Redley, partie haute, et les secteurs avoisinants. La remise en eau eh bien, devrait se faire demain à partir de 13h, sauf incident. Notez aussi que la CIS informe ses abonnés de la commune de Saint-Leu que suite à des travaux de maintenance sur la conduite du bras de Sillaos, eh bien, la distribution en eau sera interrompue demain sur les secteurs du Portail, la ZAC Portail, le secteur de la Pointe-aux-Celles-les-Hauts, secteur de Stella, secteur de Madurand, la ZAC Fourachaud, lotissement Le Lièvre, lotissement des Pêcheurs, lotissement Ticanal. La remise en eau se fera dès achèvement et c'est prévu dans la matinée de mercredi. Toujours à Saint-Leu, eh bien, sachez qu'il y a une diminution des ressources. Et du coup, il est constaté des baisses de pression sur le secteur des colimaçons. Les rues concernées, la rue Georges Pompidou et les voies adjacentes, rue des Avocatiers, chemin Longmoy-Poy et adjacente. Il est demandé aux abonnés de limiter autant que possible leur consommation durant les heures de forte demande, comprises entre midi et 16h. Bonjour Ingrid. Bonjour Isabelle. Comment qu'il est? Il est bien et vous-même? La semaine il démarre bien. La semaine il démarre super bien. Ah, super. Ça c'est chouette. Il fait beau, on a du vent. Oui. Et sera comme ça tout l'après-midi au thé. Oui, bah oui. Mais tant mieux. Mais où l'est là même jusqu'à 14h? Jusqu'à 14h, il tient cette compagnie avec des actus insolites. La FNAR va où quand c'est un magasin? On voit des petits panneaux dans les rayons, écrit ne pas dégrainer s'il vous plaît, des trucs comme ça. Ah oui. Oui, et bah dans l'actu insolite, on va voir qu'elle est très utile. C'est vrai, ça peut servir? Ça peut servir. Pas seulement à faire rire? Non. Ah bon, pas d'accord, alors. Et voilà, ne manquez rien, c'est avec Ingrid tout à l'heure jusqu'à 14h. Très belle journée à vous sur la première. Voici Pixel, Prie pour moi. Oh là, on connaît qui ça il est quand on entend. Pas la planche, j'suis tenté de regarder dans le Judas. Sachant bien que maintenant je ne tomberai pas plus bas. Et je sais pas ce qui m'attend, j'ai du mal à savoir ce qui succédera à ces nuages. J'suis trop tombé, c'est de ma faute. Mais si tu m'aimes, ne me juge pas. Tends-moi la main et j'tenterai de la saisir. Crois-moi, je sais que j'nous fais du mal. Mais je sais que ces choses ne durent pas. Si tu vois que j'ai du mal à réfléchir, prie pour moi, j'ferai de même et ça j'te le promets. Prie pour moi. Au lieu de nommer la fausse, ouvre le pied sous moi. Sachant qu'on a encore des choses à faire. Et vu qu'aucun de nous n'est épargné, qu'on est amené à perdre nos races égarées, qu'on sait jamais. Prie pour moi. Prie pour moi. Prie pour moi. Prie pour moi. Prie pour lui. Prie pour tout. Ça t'y fait tout pour vivre. Vivre libre. Prie pour ça. Trouve à où même on connaît où ça. Mais au lieu donne à moi la main ou l'air. Le mal attend à moi. Ou t'es en à moi. Mais yeah. Ou paix déchire mon cœur. Prie pour moi. Au lieu de nommer la fausse, ouvre le pied sur moi. Prie pour moi. Sachant qu'on a encore des choses à faire. Et vu qu'aucun nous n'est épargné, qu'on est amené à perdre nos races égarées, qu'on sait jamais. Prie pour moi. Prie pour moi. Je me perds, mais ton regard est important. Ouais, je connais mes défauts. Et peu importe ce que tu vois, je n'ai pas changé. Rattrape-moi, mets-moi dans le vrai. Tire-moi vers le haut. Donne-moi la force de m'élever. Des fois, je me perds, mais ton regard est important. Ouais, je connais mes défauts. Et peu importe ce que tu vois, je n'ai pas changé. Rattrape-moi, mets-moi dans le vrai. Prie pour moi. Au lieu de nommer la fausse, ouvre le pied sur moi. Prie pour moi. Sachant qu'on a encore des choses à faire. Et vu qu'aucun nous n'est épargné, qu'on est amené à perdre nos races égarées, qu'on sait jamais. Prie pour moi. Prie pour moi. Prie pour moi. Prie pour moi. Prie pour moi. Prie pour moi.